vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Un, deux, check. One, two, vérification, check de banque, crochet, un, deux. On t'entend, Mathieu, t'entend. Je suis là. Un, deux. Hey, c'est le 12 décembre 2012, toi. Le 12 du 12? Oui, le 12 du 12. Un, deux, comme un militaire, ça. Un, deux, non? Oui, c'est vraiment la première chose à laquelle on pense quand on voit le 12-12-12. Ah ben, c'est mon cas. Bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 12 décembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Stéphanie Paradis, en remplacement de François-Olivier Marchand. Exactement, François-Olivier qui est toujours en congé de paternité, oui, congé parental. Est toujours père. Toujours père? Oui. Espérons-le pour un maudit bout. Oui. Ben, c'est pour lui, je veux dire, il peut faire ce qu'il veut, là, t'sais. On dira pas quoi faire. Mais non, c'est en congé de paternité. Sa copine a eu un deuxième enfant en fin de semaine. De lui. Souhaitons-le. On lui demandait des détails sur comment il a procédé pour se rendre jusque-là. Nous raconter les abeilles et tout ça. L'histoire c'est ça, j'allais dire, les abeilles, les choux, cigognes. On voit, il y a des contradictions, là. Hibou, chou, genou, tu vois, ça, c'est une position sexuelle, j'imagine. Oui, il était pas au genou, orteil. Exactement. Donc, je sais pas s'il va être de retour demain ou la semaine prochaine, mais on lui demandera la question. Par contre, aujourd'hui à l'émission, Stéphanie, tu vas passer évidemment les 2 heures avec nous. Bien entendu. Parce que t'es fine de même. Oui. C'est, t'es bonne, puis tout. Ah, ça, je sais pas, mais je suis fine. Oui, ça, je peux le confirmer. Donc, le plan d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a toi, pour commencer. Oui, on a moi qui va vous parler de la dernière édition du Zone Campus. Dernière de l'année. 2012. Mais en même temps, c'est la mid-season finale, comme on dirait à la télé, si on parle du volume 8 du Zone Campus. Oui, c'est ça. Le très excitant volume 8. Exactement. Qui dure jusqu'au mois d'avril. Hein. Ensuite, à 8h30, notre seul autre chroniqueur est Maxime Bilodeau, qui va nous faire sa chronique d'une foulée à l'autre. Et est-ce que tu penses que j'ai assez de souffle pour dire son résumé de chronique? Oui. C'est un peu long, là. Je vais m'essayer. J'ai confiance. D'accord. Hyper connecté, surstimulé, sursollicité, nous souffrons tous à un degré ou à un autre de ces mots typiques relatifs à l'utilisation de téléphones intelligents et autres gadgets qui nous bombardent 24 heures sur 24 d'un flot ininterrompu d'informations. Tu vois déjà, je suis rendu. L'afflux de nouveautés et d'inédits est tellement présent qu'il n'est pas rare de constater une véritable peur viscérale de simplement manquer quelque chose. On appelle ça le faux mot pour « fear of missing out ». Existe-t-il une solution à cette stressante addiction? Outre la réclusion pure et simple sur une île déserte, il semblerait que le simple fait d'aller se perdre momentanément à l'extérieur dans la nature puisse en partie régler la problématique. En tout cas, si on se fie à ce que disent de nombreux chercheurs japonais. Donc, il va nous faire part des surprenantes recherches sur la thérapie par la nature. Attends, t'es sûr que c'était ça le résumé? Ouais. Pourquoi? Ok, ben. Quoi? J'ai pas fait celle-là hier? Non, mais c'était long. Oui, ça c'est la chronique au complet. Ouais, c'est ça. Ça ressemble à ça. Donc ça va être à 8h30 tantôt, une très très bonne chronique. J'ai hâte d'entendre parler parce que je suis rendu, mais ben, tu sais, en fait, comme tout le monde, j'avais Twitter depuis des années. Il y a quelques mois, j'avais réessayé de me réaccommoder ou réhabituer au Twitter. Et puis là, très, très, très, très récemment, là, j'ai commencé à être très à jour dans le Twitter. Donc, je suis tout le temps au courant de tout ce qui s'est passé. Un peu comme tout le monde, tu vas lire le Facebook jusqu'à la dernière nouvelle qu'il avait lue. Là, je fais la même chose avec Twitter et j'ai complètement lâché Facebook parce que il y a rien que des photos, des conneries, des cossins, une niaiserie, si on veut trouver d'autres synonymes. On va le faire le tour, là. Mais je trouve rien d'intéressant sur Facebook en ce moment, malheureusement. Ben, moi, écoute, Twitter, je me suis essayé à 2 reprises et toute perdue et je sais pas. J'ai pas accroché. Je trouve ça bien intéressant. Il y a beaucoup plus de choses quand tu suis les bonnes personnes. Pas mal plus fun. Mais bon. Donc, ce sera à 8h30 qu'on va parler avec Maxime Bilodeau. On parlera sûrement pas de Twitter et de Facebook si longtemps que ça, mais moi, ça m'intéresse. sinon, qu'est-ce qu'on va faire aussi? La chronique Sex Mais, ça devrait pas, on l'a. Donc, on va se créer des problèmes. On va mettre ça directement sans marge. Il y en a de la place sans marge, hein? Oui. C'est sans fin, cette affaire-là. T'atteins jamais le plafond, hein? Le plafond de la marge. La marge, ben, ou le fond du baril. Ça dépend de quel bord on regarde ça. Ouais, on va commencer l'émission tout de suite avec du Damien Robitaille, son extrait Maman, pas ta maman Mamadou, je tenais de cette pièce-là déjà. Je reviens à Omniprésent. Je reviens à son ancien succès des Palmarès. Je suis d'accord. Ouais, Damien Robitaille, ouais. Omniprésent, à Assemblage Ré. Bonne émission, on est ensemble jusqu'à 9h. Ouais. Oh, yeah. Est-ce que tu me confirmes, Steph? Est-ce que j'ai entendu ubiquité dans la chanson? Oui, il dit ubiquité. Pas mal sûr que c'est ubiquité, hein? Ben, ouais. En fait, moi, ça me buzz un peu parce que je chante la toune, je suis comme ubiquité. Exactement. Ça valait pas un fond pour qu'on parle pendant trop longtemps, ça? Bon, oui. Oui. Oui? Oui, oui, oui, oui, oui, oui, ça le veut. On le confirme. Hey, c'est-tu quoi? Tant qu'à dire des affaires qui sont absolument intéressantes pour personne d'autre que nous deux, là, à cette heure-ci, c'est bien correct. Gars, ce que dans le coin, LTE sur mon téléphone Bell. Mais ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que je suis sur le 4G depuis ce matin. Donc, enfin? Bell vient enfin de lancer son réseau 4G LTE à Trois-Rivières après des mois et des mois de promesses. Mais c'était le temps? Il était à peu près temps, là. Oui. Rogers, là, depuis un mois du bout, là. Ça, je le sais pas. Ben, François m'a dit qu'il l'avait sur le sien depuis un bout. Donc, moi, je suis rendu avec elle. On fête ça. Body Bay. Hey, parlant de fêter, on l'a dit, et on va vous le répéter aujourd'hui un petit peu, je dirais, trop souvent, hein, à toutes les petites émissions de Radio Poupoche que vous écoutez. Si vous écoutez autre chose que C'est fou, c'est votre droit. Je ne jugerai pas là-dessus, même si je viens juste de le faire. Mais le 12-12-12-12-12, là, aujourd'hui, là, c'est aussi le premier anniversaire du 11-11-11. De quoi? C'est le premier anniversaire du 11-11-11. Hein. Ça fait un an exactement qu'on a eu le 11-11-11. Ben, pas exactement, mais tu sais. Hey, pas exactement, parce que c'est pas le même jour, c'est pas le même mois, c'est pas la même année, c'est ça que ça veut dire. Ben, c'est comme de un jour de plus puis un mois de plus de l'année d'après. C'est ça. Fun, hein? Écoute, je vais pas te juger, là, mais t'es pas bon en maths. Hein? Non, merci. Ou en espace-temps et... Ou en grand-chose. Bon, ben, sur ce, on retourne la musique. Pourquoi pas, tant qu'à continuer comme ça. Ah, après ça, on va revenir. Si vous aimez les malaises comme celui-là, qu'on a créé de toute pièce, juste pour votre plaisir auditif, là, on fera la chronique tantôt. Ce slogan vous va comme un gars! Oh oui! T'es excitant, hein? Ah, je me peux plus. C'est pour les gens qui aiment un certain genre d'humour, mais pas tous les genres, tu sais. Genre, tu sais, comme là, mettons, en ce moment, là, je trouve ça un petit peu inconfortable, puis j'aime pas bien ben ça. Là, en ce moment, là. Mais tu sais, si on continue un petit peu plus longtemps que ça, là, juste un petit peu plus que là, ça va redevenir inconfortable le fun, tu sais. Fait qu'on va vraiment aller. OK, on attend un petit peu. Moi, en tout cas. Ça arrive-tu? Là, ça s'en vient. Je pense qu'il reste au moins peut-être 2 secondes avant que ça revienne correct. Ah, là, c'est cool. Ah, puis il est déjà fini. Où est-ce que tu t'amuses? Ah, oh, on avait du fun, là. Oui, mon Dieu. Bad for lashes, all your gold. On the phone, never feel the rush of angels when we stay up late alone. Never whisper you a great love story, only scream and cry and moan. But you're a good man, but you're a good man. I keep telling myself to just let go. Bad for Lashes et All Your Gold à Assemblage Requis. Quelle excellente pièce. Très calme et qu'on adore. J'adore ça. T'es préféré, ça? Une de tes préférées? Oui, moi j'écoute ça dans un bain avec de la mousse. Ben c'est là que ça va, parce que c'est calme tout le long, c'est CD. Il se passe pas grand-chose de très, très accrocheur là-dedans. Ben accrocheur, t'es pas obligé de sauter partout pour que ça soit bon. Il y a ça. Tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Je suis en train de placer une mauvaise CD dans ma boîte. Fais pas ça, Mathieu, fais pas ça. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, ce qu'on voulait faire là, c'est une chronique. C'est la deuxième fois qu'on l'a fait, donc c'est quelque chose de quand même semi-nouveau. Si vous connaissez pas ça encore, c'est normal, mais ça va faire le tour du monde bientôt. C'est ma chronique où je trouve des slogans à des compagnies qui en ont besoin. C'est de pauvres compagnies dans le besoin. Ils ont absolument besoin de ton aide. Ils ont besoin de ma créativité, ils ont besoin de mon imagination, ils ont besoin de ma verve et ma vivacité. Oui. Je me suis corrigé moi-même. Oui. Vivacité. Donc, ça m'a inspiré. En fait, j'essaie tout le temps de trouver quelque chose qui m'a inspiré. C'est un vrai slogan d'une compagnie. C'est comme mes idoles, mes icônes de la créativité. Par exemple, une compagnie de condoms, leur vrai slogan, c'est « Don't let your affection give her an infection. Put some protection on that erection. Hein, » Ah, c'est pas, beau! Ne laissez pas votre affection lui donner une infection. Mettez de la protection sur votre érection. De toute beauté. C'est beau, beau, beau, beau. La poésie. C'est ça, c'est quoi des vers qu'il y a là-dedans? C'est des rimes, là. Des rimes oui, sur la rime. Vers, rime. Ouais. Donc, je me suis dit, OK, bon, pour commencer, quelque chose de très près de nous. Derrière nous, en fait, je peux même y toucher ici. Ça, c'est un des murs de la Chasse-Galerie. En fait, en dessous, non, ça, c'est une pancarte. En tout cas, je suis pas capable de me rendre, mais il est là. La Chasse-Galerie, vous connaissez. Donc, cet été, mettons, là, quand ça va être l'été, OK? Tu comprends? La saison après le printemps, l'été? Oui. Tu sais, il y a peut-être moins de gens qui viennent parce qu'il y a moins d'étudiants, tu sais, mais ils veulent quand même, tu sais, ils restent ouverts, puis tu peux quand même venir chercher de la bière pas chère, puis tu sais, des affaires vraiment le fun, passer un bon moment. Et bien, ils pourraient avoir comme slogan, faites vœux de chasse cet été. Faites vœux de chasse cet été. Hein? Oh. Non? Oui. T'es carré, hein? Ah, c'est magnifique. Chasse cet été, chasse cet été. Chasse cet été. J'adore ça, je trouve ça vraiment très intelligent. Tiens, t'avais une compagnie de réparation, OK? C'est Marc Cossette, genre, mettons, réparation Marc Cossette, OK? Oui. T'sais, fait que le slogan, OK, ou son slogan, ça pourrait être Cossette à faire réparer. Cossette à faire réparer. Ouais, non, ça pourrait être bien, ça. C'est pas pire, pas pire. Sinon, OK, mettons un rince-bouche, OK? Un rince-bouche, on s'entend. Moi, je voulais inventer une campagne publicitaire autour de ça, OK? Fait que l'idée, c'est que là, t'es dans la forêt, OK? T'es dans la forêt, dans le jungle, OK? C'est comme dans le genre de Roi Lion. OK, je cherchais vraiment c'était quoi la référence. Bon, là, t'as donc deux lions, mettons, deux tigres, ou peu importe. Imaginez-les dans votre tête. Oui. Ils s'approchent l'un de l'autre. Là, t'as un des deux tigres qui fait comme ouf, ça sent pas très bon dans ça, hein, dans cette gueule-là, tu sais. OK, ça sent pas très bon dans la bouche, là. OK? Ouais. Mais là, OK, tu vois comme il y a une transition qui arrive, c'est comme genre de rêve. Là, finalement, c'est deux personnes dans la salle de bain, un couple, mettons, tu sais. Tu veux faire vraiment comme 2012, c'est, mettons, deux gars, tu sais, quelque chose comme ça. Écoutez-moi, c'est deux lions. Ouais. Là, il fait comme, hey, quand on est, tu pourrais peut-être mettre un petit peu de rince-bouche, hein? Puis là, ben, ce serait comme le slogan, ce serait comme, sortez votre rince-tin. Naturel, quelque chose, c'est animal. OK, tout le concept là, c'était pour ça. Pour avoir un slogan, c'est okay. Ça. Parce que des fois, tu as le slogan en premier, puis il faut que tu développes une pub autour, tu sais. Il faut comme. Oui. Tu facilites le cerveau, là. Sais-tu, je te dirais qu'avec les publicités qu'on voit aujourd'hui, oui. Ben oui, justement, c'est tellement mauvais ce qu'on voit des fois. ça pourrait être parfait. Thème, non? OK. OK. Justement, tant qu'à parler de rince-bouche, c'est le rince-bouche est ta saveur de menthe, hein, tu sais. Mais oui, généralement. Généralement, ou tu pourrais appeler ça, tu sais, à la place de dire menthe intense, ce serait mintense. Mintense! Mintense! Ben oui, hein? Pourquoi pas sauver une syllabe? Ben c'est ça que les gens font, des abréviations, souvent ils vont sauver une lettre ou une syllabe. C'est bien le fun. C'est un mot valise? Oui, ou un porte-manteau, mais ça, j'ai déjà chialé là-dessus, t'sais. Moi, je préfère mon valise, c'est français. En anglais, c'est un portmanteau. Ouais, c'est très anglais. Bien sûr. Tout à fait. Sinon, c'est. Tu connais le magazine Esquire? C'est un magazine pour hommes, ça? Non, je connais pas ça. Non. Magazine pour hommes, Esquire, avec Mila Kunis, mettons sa couverture, super cute, t'sais. Mila Kunis, dans mes préférés, t'sais. Ouais. Donc, tu pourrais avoir comme slogan, OK, pour Esquire Magazine. Est-ce qu'on va voir du sexe là-dedans? Est-ce qu'on va voir du sexe? Est-ce qu'on va voir du sexe? Oh boy. Est-ce qu'on va voir du sexe là-dedans? Oh, je sais pas quoi dire, là. Non. En tout cas, c'est ça. Excuse-moi. Le dernier que j'avais est tellement évident que j'ai même pas envie de le faire, mais tu sais... Oui, parce que c'est mon jeu de mots à moi. OK, je vais te le laisser, tiens. Fais-le donc, juste pour voir si t'es aussi bonne que le maître. Hein? OK, OK. Ou la verge. En fait, j'ai une nouvelle médication. Oui, OK. Tu pouvais l'appliquer à une de tes amies ou tu sais, non, mais c'est parce que j'ai pas honte de cette médication-là. C'est un anti-inflammatoire, OK? D'accord, ça soigne rien de bizarre, là. Une fois que les gens avaient fait leur recherche et que c'était genre pour enlever la croûte entre les orteils, je sais pas. Non, mais mes orteils sont impeccables. Ouais, ouais. Ma médication, le nom du médicament, c'est Mésavant. Bon, oh, attends un peu, je suis sûr que je l'ai. Mais vas-y. Mésavant, non, je veux dire, c'est facile. Il est dans le nom. Mais c'est ça. Mais c'est parce que sur le flacon, c'est écrit de prendre avec la nourriture. C'est ça. Donc, je me suis dit, c'est parfait, je vais le prendre le matin, mais avant, je vais déjeuner. Ah, mais avant de partir. Non? Il faudra bien te couvrir. Je connais pas les paroles. Dehors, tu vas avoir si froid. Okay. Donc voilà pour la chronique, ce slogan vous vend comme un gant. Je me suis pas encore fait. J'avais dit, tu sais, on avait fait une petite intro la dernière fois, tu sais. Oui, à cappella. Mais t'es mauvais, j'aurais dû la refaire, tu sais. La faire une meilleure version pour pouvoir vraiment l'avoir comme fou. Tu penses pas, non? Mais écoute, comme c'est parti, ça semble être un thème de générique de fin. Donc, tu pourrais toujours la faire à la fin. OK. Puis après ça, plus tard, quand j'aurai le temps, je vais pouvoir la remettre au début des prochaines chroniques l'année prochaine. Quand ça va être bon. OK. Oui, c'est ça. Quand ça va être bon. Je vais la faire à chaque fois jusqu'à temps qu'elle soit vraiment bonne. T'sais. Parce que la mélodie, c'était... Ce slogan booba, booba. Ce slogan vous va, vous va. Ce slogan vous va comme un gant. Non? Une autre fois? Ouais. On avait dit qu'on voulait faire les malaises, hein, v'là deux, trois dessus. Oui, vous l'avez peut-être pas vu, mais je roulais des yeux, là. Oui, c'est ça. On les envoyait par en arrière. Vous pouvez faire à la maison la même chose, ça va faire pareil, ça. Hein? Et vous allez avoir le même feeling que nous ici. La tête qui tourne et le malaise qui me donne chaud. Voilà. Donc, toujours assemblage requis, il est 7h23 minutes. Après la prochaine pièce, on va voir la chronique de Stéphanie Paradis. Ah oui! Non? Oui, je suis prête. On va parler du Zone Campus, volume 8, numéro 8. Nous aussi, on fait des chiffres 8, qui 8. Se ressemblent. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. C'est pas le numéro pour les petites annonces du... Oui, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, un journal quelconque. Exact, mais comment, depuis quand est-ce qu'on, est-ce qu'un 8 se prononce comme 8? 8, 8, 8. 8, 8, 8. Ben, je pense que c'est un jeu de mots de qualité discutable. Oui, hein? Hey, je pourrais m'en servir pour débuter une chronique, ce slogan vous va comme un gant la prochaine fois. C'est comme la compagnie de condoms. Ah, c'est bien. On s'en va entendre Ariane Moffat sur son album Ma. On écoute une pièce qu'on a moins entendue de cet album-là parce qu'on a tellement qu'on a entendu qu'il a été Super Barès, L'homme dans l'automobile, La pluie et le beau temps, Mon corps, Hôtel Amour. Là, on écoute In Your Body. C'est un thème récurrent sur cet album-là. Il y a tout le temps Amour ou Mon corps ou quelque chose de vraiment... Physique. Physique, exactement. Ariane Moffat, Assemblage requis. Sexy time. If you don't mind, I think I'll stay. C'est ben trop sexy, cette affaire-là. Ariel Moffat avec la pièce In Your Body. Au retour, on parle de Zone Campus avec Stéphanie Paradis. Oui. Oui, si tu le dis. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis jusqu'à 9h. Toujours à Assemblage requis, il est 7h30 exactement. Stéphanie Paradis est toujours là. Je suis toujours là. Moi, c'est Mathieu Plante. Salut Mathieu Plante. Évidemment, salut. Hey, je viens de trouver un slogan pour le Zone Campus, mais là, je peux pas en servir ailleurs que dans la chronique. Ce slogan vous va comme un gant booba booba. Oh, mais là... C'est comme un gaspiller. Là, je t'en parle en ronde. C'est merdouche. Ah là, je suis impatiente. Ferme le micro, dis-moi-le. Non, je vais vous le dire, mais je vous le dis en cachette. Je vais peut-être le réutiliser. Zone Campus, quand... Là, tu l'écris CRM. Quand tu veux en savoir plus. Quand. Plus, zone quand. Ah, c'est zone mauvais. Campus. T'aurais dû fermer le micro. Ça me semble que ça serait encore plus malaisant. Attends un peu, on va essayer, OK? Ouais, c'est pire. On parle du Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Ceux qui disent que t'es pas supposé avoir de blanc à la radio, là, sont tous dans le tard. Ils ont rien compris à de la bonne radio. C'est ça! Donc, Stéphanie Paradis, rédactrice en chef du journal Zone Campus et co-animatrice à 16 heures d'Assemblage requis. Ben oui, je suis recyclable. Voilà. T'es très éco énergétique. Quelque chose. Et voilà. Donc, on parle du Zone Campus et Colin, j'ai même pas de copie avec moi. Tu m'as pas amené de copie. Tout le monde m'amène une copie, habituellement. Ben, tout le monde... Va me chercher une copie. Je t'attends, va me chercher une copie. J'exige! Non, mais... Non? Non, OK, laisse faire. Donc, on commence avec la une pour commencer. Évidemment, le carnaval est sur le dessus parce que ça s'en vient, ça a été annoncé, le thème est annoncé. Oui, donc, le thème est annoncé. Donc, roulement de tambour, même si c'est écrit en gros sur la une... Carnaval en cinémascope. C'est vrai qu'on a laissé le début du texte qui dit roulement de tambour, mais c'est écrit juste en haut, là. Oui, c'est ça, mais c'est pas grave. Mais non, je trouve ça, cocasse, c'est ça. Donc, vous allez pouvoir revisiter les films des 25 dernières années qui ont fait triper les étudiants parce que c'est le 25e anniversaire du carnaval. Donc, il va y avoir des films, donc les thèmes comme Édouard aux mains d'argent, Harry Potter, le parc jurassique... on parle aussi de la petite polémique qu'il y a eu en arrière du fait que le thème a été présenté au Manchester au lieu de la chasse-galerie. Ben, ça avait toujours été la chasse-galerie dans le temps. En tout cas, moi, ce que je me rappelle, ce que j'avais vu, c'était là. Et on a un bar à l'université. Pourquoi le faire ailleurs? Je comprends pas trop. Donc, si tu veux une réponse, tu peux aller lire l'article. Et on en parle aussi de cette petite polémique-là dans l'article sur le conseil d'administration qu'il y a eu le 9 décembre dernier. Donc, ça a fait réagir les administrateurs. C'est bien normal. Donc, à suivre. Oui, toujours en actualité, on parle aussi des négociations qui reprennent entre, en fait, au Rassemblement national étudiant. Oui, donc au Rassemblement national étudiant ça s'est passé le 1er décembre et le 2 décembre, donc toute la fin de semaine. Donc c'est à l'approche du sommet d'éducation qui va se tenir en février 2013. Près de 200 étudiants ont assisté au rassemblement organisé par l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. Donc c'était à l'UQTR. Donc ils voulaient élaborer un stratagème commun. Donc, en plus de faire le point sur les événements concernant la grève étudiante du printemps dernier, le rassemblement a surtout porté sur la gratuité scolaire et l'AC a d'ailleurs rappelé sa position favorable à cet égard. Ensuite, une étudiante de l'UQTR reçoit les honneurs, le prix BEPO. Le prix BEPO. Tout le monde doit se souvenir de BEPO, la petite grenouille des débrouillards. Ah, je te jure, un gigantesque fan du magazine des débrouillards quand j'étais jeune. Oui. J'étais abonné, j'attendais le numéro qui arrive chez moi à chaque mois. C'était tellement excitant. Oui, c'était vraiment cool. Mais ça existe encore, même s'il n'y a plus l'émission à la télé avec Grégory. Ça devrait revenir, d'après moi, avec quelqu'un d'autre parce que ça manque de contenu de ce genre-là à la télévision vraiment beaucoup. Tu sais, il y a Génial, mettons, à Télé-Québec. Oui. Mais c'est un quiz. Je veux qu'on m'informe. J'ai pas besoin de répondre à des questions. Bon. Hey, ramenons les débrouillards. Signons une pétition. Ben, tout revient en ce moment. Tout revient, on dirait. Ça me surprendrait pas qu'ils ramènent Radio Enfer un jour. J'espère vraiment. Ça sera pas aussi bon. Ah, ça sera pas aussi bon. Ça sera pas aussi bon. Ouais, OK. C'est comme moi, le genre, tu sais, le Roi Lion 1 et demi. Ah, il est vraiment bon. Je m'excuse. C'est Cendrillon 3, tu peux pas briser des classiques. Mais le 1 et demi, c'est qui se passe en même temps que le 1. C'est je juste d'autres. Je suis contre. Bon, on parle du zone campus, je pense. Donc, à l'occasion de la Journée nationale des débrouillards qui a eu lieu le 1er décembre dernier à l'UQTR, c'est Andréane Nolin qui a reçu le prix Beppo 2012 en animation scientifique. Donc, elle a aussi reçu une bourse de 500 $ pour accompagner le trophée. Donc, Madame Nolin s'est démarquée par son engagement auprès des jeunes. Elle est impliquée au sein du Club des débrouillards de la Mauricie, Centre du Québec, depuis 2005 quand même. Ça fait déjà plusieurs années. Donc, Andréane a remporté son prix lors de la Journée nationale des débrouillards qui s'est tenue dans les locaux de l'UQTR. Lors de l'événement, une centaine d'enfants de 5 à 12 ans ont pris part aux nombreuses activités et expériences scientifiques organisées spécialement pour eux. Donc, l'activité était là pour clôturer le 30e anniversaire du Club des débrouillards. Ah, c'est merveilleux. Tu sais, je vais encore passer une publicité dans vas-y, son avis. J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup avoir une chronique scientifique, science et trucs comme ça à l'émission. Ce serait vraiment, vraiment cool. C'est vrai que ça serait cool. Mais tu sais, elle, ça a du contenu pour enfants qu'elle fait, hein? Ouais, mais les débrouillards, je veux dire, des fois, des petits trucs de base que... Ouais. Moi, je suis certaine que j'en apprendrai beaucoup en allant au club des petits débrouillards avec les 5-12 ans. Ben, l'annonce est passée, je vous dirais, si ça vous intéresse, allez voir sur assemblagerockey.com pour nous contacter. Toujours dans le campus et toujours en actualité, le guide de survie à la diplomation. Le guide de survie à la diplomation, donc ça, c'est 16 000 $ en prix qui s'en vient pour les étudiants. Donc, le Bureau des diplômés de l'UQTR, en collaboration avec l'AGE UQTR, propose à ses futurs diplômés une panoplie d'activités d'ici leur graduation. Au total, il va y avoir 16 000 $ en prix qui vont être distribués aux étudiants finissant au cours de la soirée spéciale intitulée « Les diplômés débarquent en ville ». Donc ça va être le 15 juin prochain. Mais en attendant, pour pouvoir gagner, il y a plein d'activités, comme par exemple un concours de photographie, un match de hockey, un questionnaire testant les connaissances générales des étudiants sur l'UQTR, une soirée de musique et de danse latine, etc., etc. Donc, c'est vraiment des gros prix. Par exemple, la location pour un an d'une Honda Civic Berlin LX 2012, crédit voyage de 2 000 $, deux bourses de 2 500 $ chacune, une garde-robe d'une valeur de 1 000 $, un iPad 3, etc. Oh! C'est vraiment... ça va être une grosse soirée. Oui, ça vaut la peine. C'est excellent. L'UQTR devra creuser dans son déficit. On parle d'un discours que la rectrice a donné la semaine passée. Oui, c'est ça. Un petit point de presse que la rectrice a fait... le 7 décembre concernant les compressions budgétaires. Donc, l'UQTR se retrouve avec 5 millions de moins à son budget. Donc, la rectrice dit que ça va être très difficile, voire impossible de couper ça d'ici mars 2013. Hey, c'est donc, oui, c'est juste 4 mois pour couper 5 millions. Donc, elle veut pas couper dans le service aux étudiants, ni dans le salaire des... Non, les salaires, ils peuvent pas. Elle a dit, c'est ça, ils peuvent c'est pas. Sûrement ce qu'elle aurait fait, mais elle dit, tu sais, ils ont une convention collective. Mais là, ils sont en négociation là, avec le syndicat des professeurs, donc... Elle dit, j'espère que ça va continuer de façon civile et... C'est ça. Civilisée. On se comprend. Civile, ouais, c'est ça. Ça se dit, non, hein? Donc, oui. Ça se dit, mais ça veut rien dire. C'est ça. Donc, l'UQTR va être probablement, sans doute, obligé de creuser dans le déficit. Donc, il y a déjà un déficit de 1,2 million. Donc, pas à 6,5. Point 2. Non, est-ce que c'était des rumeurs ou c'était une blague que quelqu'un a fait sur les Facebook, là, disant genre que l'UQTR va couper dans le chauffage, puis... Je pense que oui. Ben, en tout cas, nous autres, ils nous en donnent généreusement du chauffage dans notre bureau. Si vous en voulez, on va vous en donner à la chaudière de chauffage dans le bureau de ces fous en campus. On ne vend pas les chaudières de chauffage, là, on les donne. Simon Fitzbé, dans son texte d'opinion en pleine face, nous appelle ça injustice gratuite. Qu'est-ce que ça veut dire? Injustice gratuite. En fait, il nous parle de l'Assemblée générale spéciale du 28 novembre dernier. Donc, où il a été décidé que l'AGE-QTA proposera la gratuité scolaire dite balisée lors d'éventuels états généraux sur l'éducation. Donc, M. Fitzbay nous dit « C'est antidémocratique et immoral de la part de nos gestionnaires d'avoir permis son adoption dans ces conditions. » Ben, c'est quelles que ça... conditions? C'était que le quorum est atteint de justesse. Ouais. De une ou deux personnes de plus que le quorum, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était à 60 personnes. Puis quand ils ont commencé, ils étaient à 61, 62, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, petite révolte. Ben, ça, ça a du sens comme révolte, il me semble. En tout cas, un petit peu d'accord. Sinon, on est toujours en actualité. Une autre chronique d'opinion, une colonne, comme on appelle en journalisme. Là. Personne ne suit ça dans la vraie vie, mais dans le domaine du journalisme, tout le monde dit ça, puis c'est comme tout le monde se comprend. C'est une colonne, une colonne. C'est en anglais. Columniste, ouais, c'est en anglais. J'ai mal à ma colonne. À ta columniste. Ma columniste. Game Over, c'est la chronique technologique avec Michael Da Silva qui nous fait un spécial Wii U. Un spécial Wii U. Donc... La sortie de la Wii était un événement très important dans le monde du jeu vidéo, car cette sortie représente le début d'une nouvelle ère, rien de moins. Donc, il nous parle des différents ensembles que tu peux acheter de la console, les jeux et tout ça. Mm-hmm. Modèle de luxe, modèle pas de luxe. Pas de luxe, quel jeu... Bon, la couleur, tu peux pas vraiment choisir. Tu choisis selon la... Selon le deluxe ou le pas deluxe. C'est ça, hein? Là. Ouais. Je trouve ça plate, ça. Oui, très plate. Il aurait pas dû faire ça comme ça, mais bon. Ça marche pareil. Mais... Oui, c'est ça. On passe en société maintenant avec la chronique de Sébastien Dulude. La chronique de Sébastien Dulude. Donc, liste de choses fausses. Mais ça, il l'a fait à la radio déjà. Oui, ça a déjà été fait. Donc... On passe par-dessus. Lisez-la dans le journal, c'est une liste de mentries. Ça vaut la peine d'y aller parce qu'il y a une image que vous n'avez pas pu voir à l'émission. Ben, on l'a montré, mais les gens ne l'ont pas vue. Ah, ben oui, OK. Bon, mais ben, vous pouvez la voir dans le zone campus. C'est la photo de Marie-Hélène Thibert. Marie-Hélène Thibert. Photo slash barre oblique dessin, tiré. Ensuite, la chronique de Jonathan Laranger. Parlons de sexe. Parlons de sexe. L'énergie sexuelle est la seule énergie créatrice. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, sa précédente chronique a vraiment soulevé de grandes discussions et débats. Chez les femmes, surtout, hein? Oui, surtout chez les femmes. Donc, il y a eu beaucoup de discussions sur Facebook et dans mon bureau. Donc, si l'énergie sexuelle a un pouvoir créateur, il est logique de penser qu'elle a aussi un pouvoir régénérateur. Donc, il nous explique comment user de cette énergie... les possibilités qu'elle a à offrir à l'homme. Mm-hmm. Et d'ailleurs, si vous avez vous-même des commentaires à faire face à n'importe quel article d'opinion ou autre, c'est sur Facebook que ça se fait et sur le blog zonecampus.ca. Vous pouvez, sur chaque article, commenter avec votre nom, votre courriel. Vous pouvez marquer anonyme si vous voulez. Hein. J'ai déjà laissé des commentaires sous d'autres noms. J'ai ah oui? Bon, vous pouvez aussi écrire des lettres d'opinion dans le journal. Tout est apprécié, évidemment. Donc, pour nous envoyer des textes d'opinion, passez aussi par le zonecampus.ca, il y a un formulaire. Sinon, adresse courriel rédaction.zc. Exactement. À UQTR.ca. Exactement. N'oubliez pas la rebasse entre les deux. toujours en société, l'article de Jean-François Veilleux qui s'appelle toujours, son titre, c'est « Je me souviens au pouvoir citoyen ». Vers la fin du monde, capitaliste. Donc, ce n'est pas à la fin du monde humain que nous allons assister, mais bien, souhaitons-le, à la sortie de scène très attendue du système d'esclaves salariés dits capitalistes. Donc, il explique pourquoi ça serait souhaitable et il souligne par le fait même que le vrai problème, c'est que les riches sont devenus archi-riches et que les pauvres, de plus en plus nombreux, sont devenus archi-pauvres. Donc, il nous expose le problème dans sa chronique. Parfait. Après ça, il y a Michael Magny. Je crois que c'est sa dernière chronique, le revers de la médaille, n'est-ce pas? Oui, c'est sa dernière chronique, malheureusement, parce que c'est vraiment passionnant ici. J'adore ça. Il nous explique plus en profondeur ce qu'on est habitué d'entendre, des concepts de gauche-droite en politique. Donc, un petit peu d'histoire et un peu plus d'explication sur les concepts. Gauche-droite, au bas, mais je me rappelle jamais de l'ordre Starcella. AB, Y, ouais. Non? Je ne le retiens jamais. toujours en société, évidemment, tu as le fantasque qui est la caricature, le dessin d'Hubert Sanson et les jeux avec mots croisés, sudoku et mots mystères. Voilà. Et le dessin, la caricature de M. Sanson qui est en lien avec la chronique de M. Veilleux. Oh, un petit... Un petit lien entre les deux. Copinage. Donc, non, mais comment... Copinage. Pas copiage. J'avais là, compris copiage. Copinage. Voilà, c'est bien dit. Oui. Ouais. Avant de faire art et spectacle et sport, on prend une petite pause pour l'entendre du Bears of Legend parce que peut-être que ça aussi, ça a du copinage avec la section d'après, peut-être. Ah, on verra. Bon, juste ça de même. Là. J'avance des théories du complot. Complot! C'est un assemblage requis. Ça, c'est fou. Of Legend et The Mornings I've Let You Down, Assemblage Rocky. Ah, que c'est donc bon sur l'album Good Morning Motherland. Et on est toujours avec Stéphanie Paradis, la rédactrice en chef du journal Zone Campus. Yes, monsieur. On était rendu en art et spectacle, madame. Oui, on est rendu avec les sorties CD. Donc, le premier album pour le groupe Trifluvien, devinez lequel? Bears of Legend? Oui! Quel Adam! Donc, Lisa Marie nous parle du lancement le 30 novembre dernier. Donc, dans le cadre d'un 5 à 7 festif suivi d'un spectacle à la salle Anaïs à l'heure Rousseau. Donc, Lisa Marie nous parle... Presley, c'est vrai? Oui, Presley. Godreau nous parle de la générosité du groupe. Donc, beaucoup de matériel sur l'album. Nous parle aussi de l'origine du nom et des inspirations. Donc, la culture amérindienne, le folklore québécois, l'amour, la nature et tout ça. Magnifique. C'est back to nature, tout ça. Évidemment, Kim Churchill, on en a parlé hier avec Alexandra Carignan, donc on sort. Oui. Ensuite, nouveau CD de Maya. Maya, donc son premier album solo en fait, Héritage. Bien qu'elle en soit son premier projet solo, en fait, c'est pas une nouvelle arrivée là, dans le domaine musical québécois. Elle est entre autres l'une des fondatrices du groupe canadien Ladies of the Canyon. Donc, comme elle est la seule francophone dans le groupe, elle ressentait le besoin personnel d'écrire dans sa langue. Eh bien. Pour dire que les abeilles, c'est pas les glottes, ça? Maya l'abeille. Maya l'abeille. C'est d'elle qu'on parle. Non. Maya Davis. Je crois que c'est ça. Ensuite, l'ensemble vocal de l'UQTR présente Voix et harpe de Noël. Donc, la magie des fêtes en concert, l'ensemble vocal de l'UQTR, accompagné de la harpiste Valérie Milo, a su propager l'esprit de Noël. Donc, c'était un spectacle en deux parties. Donc, en première partie, l'ensemble vocal a chanté des chansons traditionnelles européennes et de musique du monde. Et la deuxième partie, intitulée Dancing Day, une suite de Noël traditionnelle, occupait la deuxième partie. Comment? Bon, c'est ça. Ben, la partie, finalement. C'est ça. Ouais. Donc, pour eux, c'était... En fait, c'était tout un travail. Ils étaient particulièrement fiers de la réussite du spectacle parce qu'habituellement, ils font un concert par trimestre, mais là, c'était leur deuxième concert. Donc, c'était fait en un temps record. Moi, j'ai un slogan pour eux. Harpiste partout. Non? C'est pas ça? Okay. Antoine Graton, le spectacle qui avait lieu récemment. Émotion rock avec Antoine Graton. Donc, c'était Mardi Live au Gambrinus le 4 décembre dernier. Donc, c'était, je pense, un spectacle très spontané à la Antoine Graton. Donc, pas de test de son, ne sait pas à l'avance quelle chanson il va interpréter sur scène. On nous parle aussi de son extravagance et on nous parle aussi de l'origine de la fameuse étoile. Oui, sur son œil tout le temps, tatouée ou maquillée. Maquillée, ouais. Donc on nous parle de ça aussi dans l'article, très intéressant. Merveilleux. Sortie cinéma maintenant, Izmizak. Izmizak? Toujours donc, le fun à dire. Izmizak. André, je savais comme pas trop comment le dire. Izmizak. C'est comme ça que je l'ai entendu dire, en tout cas. Je sais pas si c'est vraiment comme ça. Bon, on va le dire comme ça. Parfait. Donc, le second film basé sur l'univers de Fred Pellerin a fait son entrée dans les salles de cinéma le 30 novembre dernier. Izmizak, sans être un chef-d'œuvre, rend très bien la marchandise, transportant le spectateur dans l'univers du conte québécois à saveur moderne. Ça, c'est une citation. Alex Carr, 2012. Oui, exactement. Alexandre Carignan. Alex Carr. Donc, en gros, Izmizak, c'est un homme enfant qui se fera le porte-parole de l'espoir dans le village de Saint-Élie-de-Caxton jusqu'à ce que sa naïveté se confronte à la famine. Oh, ça a toujours un lien avec Saint-Élie-de-Caxton tout le temps, cette affaire. Ben oui, c'est pas mal. Ouais, l'univers se passe là. Critique musicale par Maxime Tanguay. Oui, écoute. Écoute, hey, And You Will Know Us by the Trail of Dead et l'album Lost Songs et Deftones avec. Voilà. Merci, ça me tentait pas de m'aventurer encore. Je comprends. Toujours en spectacle, la critique cinéma aussi. Oui, Seconde Guerre mondiale, l'autre côté de l'histoire. Donc là, je sais pas si je peux vous prononcer les titres de films qui ont vraiment l'air d'être en allemand. C'est le moment du dé. Das Boot. Ça, je pense pas si pire. Facile. Là. Das Boot. Puis l'autre, c'est comme Die Brooke. Je pense que c'est Die Brooke. Die Brooker. Die Brooker. Parce que je pense que Die, D-E, c'est Die. Die Brooker. Die Brooker. Ouais, genre. Die Brooker, OK. Aucune idée. Ben, écoutez, allez le lire et vous pourrez le prononcer comme bon vous semble. Ou allez sur Google Traduction et écoutez la prononciation. Voilà, mais bref, c'est deux films sur la Seconde Guerre mondiale. Oui, le premier, donc, c'est... Le producteur, pardon, Wolfgang Peterson. Donc, avec son film, il n'avait pas pour but de divertir le grand public, mais bien de lui faire vivre une expérience humaine hors du commun. Donc, ça se passe dans un sous-marin. Et le producteur réussit très bien à démontrer les multiples facettes de la vie de marin, soit la monotonie du quotidien, L'engouement ressenti en prévision d'une bataille ainsi que les angoisses et la peur de mourir alors que tout semble perdu. Hmm. Le second film, c'est un réalisateur australien, Bernhard Wicki. Donc, il a cru bon de montrer au monde la réalité de la jeunesse allemande en ces temps difficiles. Ces jeunes qui, au début de l'histoire, font face aux problèmes normaux d'un enfant qui vieillit. Donc, l'amour, la jalousie, etc., se voient arrachés de leur vie pour défendre la mère patrie. Donc, ce qui est intéressant avec ces deux films-là, c'est qu'on voit l'autre côté de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on voit la version allemande, si on veut. Donc, la version de ce qui est, en théorie, pour nous, les ennemis. Mais dans le fond, eux aussi, ont subi la guerre. C'était tout aussi tragique. Tu vois, c'est ça qui fait que ça veut dire que tu dois regarder Le Roi Lion 1 et demi. Ça, c'est comme la Deuxième Guerre mondiale, 2 et demi, tu sais, 2.5. T'as Timon puis Pumba qui racontent la Deuxième Guerre mondiale, non? C'est n'importe quoi. Comme une belle comparaison. Ah ouais? OK. Et puis, évidemment, d'autres articles en art et spectacle, dont les Mardis Live au Gambrinus. C'est la prochaine saison de la Maison de la Culture Francis Brisson. On passe au sport maintenant. On parle d'un méga workout qui avait lieu pour une bonne cause. Oui, donc le méga workout est né d'un souhait des dirigeants du CAPS de participer à la grande guignolée des médias. Donc, le concept est simple. Apportez des denrées non périssables et vous aurez droit à une séance gratuite de workout. Apportez votre vin, non? C'est pas ça? Apportez votre vin. Mauvaise idée. Ouais. Donc, c'est vraiment cool comme concept. J'espère qu'ils vont recommencer. Pourquoi pas? Ben, j'espère bien. Deux profils d'athlètes à consulter aussi en sport. Sinon, on saute à La Truffe, qui est l'association de l'Ultimate Frisbee, mais maintenant, ça s'appelle juste de l'Ultimate, c'est ça? C'est l'association trifluvienne d'Ultimate Frisbee. Oh yeah! La discipline est apparue il y a une cinquantaine d'années. Quand même! Ben oui. Donc là, l'engouement est grandissant pour ce sport. Donc, on nous parle de sa présence possible au niveau universitaire et sa présence à Trois-Rivières avec la truffe. Et on nous dit aussi, c'est quoi l'ultimate? C'est pas juste comme lancer un frisbee sur la plage. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, si vous voulez avoir quelques descriptions, quelques points descriptifs sur ce sport à consulter dans le journal. Un petit encadré on dirait que la pub a été mise là pour que l'encadré rentre juste bien comme ça. Écoute, je sais pas qui a placer ça de manière si incroyable, si tétrismatique. Ben c'est ça, c'est du design à la Tetris, le Zone Campus, et c'est parfait comme ça. Hein? La chronique d'une foulée à l'autre de Maxime Bilodeau, les limites de la science maintenant. Donc, on parle de sujets controversés de par leur absence d'un réel consensus sur leur efficacité respective. Donc, par rapport au sport, on s'entend. Donc, on parle de la massothérapie, du kinésiotape et des bains glacés. Eh ben. Est-ce que tu connais les kinésiotapes? Non, mais j'ai entendu parler que c'est... tu sais, aux Olympiques, il y avait tout le monde porté un petit genre de pas de bracelet de bras, là. Non, mais c'est vraiment comme... t'en as de toutes les couleurs, là. Oui. Puis tu voyais, il y en avait soit sur les cuisses avec des motifs de tape, ses bras dans fleurs, le dos. Puis des, ouais. Ben, je sais pas, peut-être pas des fleurs, là. En tout cas, fait que si vous vous demandez c'était quoi ces tapes-là, ben venez lire l'article. Hey, hey, hey. Maintenant, on parle de hockey pour les deux derniers articles de ce numéro du Zone Campus. On parle des 5 gains consécutifs pour les Patriots hockey. C'est-tu pas merveilleux? Donc, la troupe de Gilles Bouchard a disposé des Paladins le vendredi 30 novembre et des Gaels le samedi 1er décembre. On souligne aussi que Pierre-Luc Lessard s'est démarqué parmi les siens avec 3 passes pendant le match. Là, ça, c'est contre les Paladins. Également, son coéquipier Maxime Robichaud a récolté 2 points, 1 but, 1 passe lors du gain de son équipe. Et finalement, on fait un bilan de la première moitié de saison des Patriots hockey. Donc, présentement, ils trônent au sommet du classement de la division Est des sports universitaires de l'Ontario avec un total de 25 points. Donc, à sa première saison derrière le banc des Trifluviens, M. Bouchard a réussi à maintenir un dossier positif de 12 victoires, 3 défaites et un revers en tir de barrage. Je trouve ça tout à fait impressionnant. Mais... Je comprends rien. Ben écoute, 12 victoires, 3 défaites. Ça, ça va. Tu comprends? Oui. C'est bon? C'est bon. OK. Félicitations. Mais les rencontres les plus importantes de la saison sont à venir au début de la nouvelle année. Donc, la vraie saison commence après les fêtes. Donc, c'est toujours à suivre. Merveilleux. C'est tout. Merci Stéphanie. Ça me fait plaisir. C'est le journal sur le campus, volume 8, numéro 8. C'est notre mi-session, c'est ça? 8-8-12-12-12. Oh yeah! Et puis, c'est en kiosque maintenant, un petit peu partout sur le campus du QTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières, donc Zone Campus. Et aussi, allez voir zonecampus.ca pour commenter nos articles et partager sur le Facebook, les Twitter. Les Twitter. Petites affaires comme ça, là. Pinez ça sur Pinterest, là, puis... là, t'es mêlée. C'est un peu trop pour moi. Je vais aller faire like, puis partager. Puis pour moi, ça se limite à ça. Et Colin, évidemment, retournez-nous sur Facebook, où là aussi, on poste des affaires. Puis c'est full interactif, tout ça. C'est full dans le jeune Dashio sur le... Full! Allez commenter, débattre, chialer, etc. Voilà. Yo les jeunes! Yo les jeunes! Facebook.com, allez chercher Zone Campus. C'est zonecampus.ca. Merci Stéphanie Paradis! De rien encore! Okay. Elle reste avec nous. Je reste là. Tu restes avec nous parce que nous, on s'en va entendre l'Info Campus, qui est une autre de tes créations originales 2012. Faut pas le dire, t'as non. pas ça? C'est quoi, soit associé à ça? C'est du beau travail que tu fais, l'Info Campus, le Zone Campus, ou surtout que c'est à Campus dedans, tu penses à Stéphanie Paradis? Ok. Bon. Ouais. Dans la deuxième heure, on aura Maxime Bilodeau et sa chronique sur la culture sportive. Justement, lui qui écrit aussi dans Zone Campus sera avec nous. Et puis sinon, on va s'acheter des choses. On va se commander des affaires online sur l'Internet. Yes! Les Internets! Les Internets dans la chronique Sex Smith, ça devrait répondre. Là, pour l'instant, ben, l'Info Campus, restez là. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Deuxième heure d'Assemblage requis en ce mercredi 12 décembre 2012. J'aime ça, c'est plein de chiffres pareils. Vous allez pas l'entendre jamais, faut qu'on vous le dise, parce que sinon personne d'autre va le dire aujourd'hui. Là. Mais c'est important, t'imagines-tu? C'est pas important, comment? Oui, c'est la dernière fois que ça va arriver dans notre vie. Who cares, pour vrai? Hey, moi, ça me touche. Ça change quoi dans vie? Non, moi, tu sais, sur un réveil, je vois comme 11h11, j'ai des frissons. Ben oui, mais Colin, ça te prend pas grand-chose d'avoir des frissons, toi? Ah, écoute, non, faut s'émerveiller. C'est des chiffres, c'est un calendrier créé au hasard total. Alors, fais pas au hasard, là. Je sais qu'il y a une science derrière ça. Non, faut s'émerveiller des petites choses de la vie, les petits détails qui font que la vie a du piquant. Je suis peut-être pas assez enfantin, hein. C'est ça l'affaire. Ah, oh, merci. Ben quoi, assume-toi là-dedans. C'est un peu enfantin, oh, ouais, là. Ouais, ouais. 12-12-12, c'est vraiment inintéressant et complètement superflu. Mais ça arrivera plus jamais. Non, je sais, le 13-13-13 n'existera pas. Ça se peut pas. C'est dommage parce que ça aurait été vraiment malchanceux pour certains parce qu'il y a des gens qui ont cette superstition-là qui, encore une fois, ne veut rien dire. Mais si ça vous fait plaisir d'y croire. Moi, j'aime le 13. J'ai eu 13 ans vendredi 13. Je capotais. Ta fête est un 13... C'est un 13. Oui, lequel? Lequel 13? Ouais. Celui-là après le 12. Ah! Oh, oui, mais du mois, comment? Octobre. Octobre! Bon, c'était pas si dur à répondre que ça. Caroline, faut tout se dire, hein? Ouais. T'as pas d'allure. Dans quelques minutes, on fera la chronique Sex Smith. Ça ne devrait pas on là où on va évidemment régler les solutions. On va régler des solutions. Un peu. On va régler des problèmes en se trouvant des solutions qui coûtent de l'argent, donc qui créent d'autres problèmes. Tu sais? Etc. C'est ça. Mais il y a sûrement une solution à ce problème-là aussi, donc... Espérons-le. Peut-être que d'ici la fin de la chronique, on va vraiment régler votre vie au grand complet. Mais pour l'instant, rien de mieux par Tremblay. À Assemblage requis. À tchut, parce qu'il se met à chanter directement quand j'appuie sur sa bouche. Je vais appuyer sur sa bouche en studio. Tremblay, chante-moi une toune. Parce qu'il y a un doigt dans la bouche. C'est quoi cette manie-là qu'on a de courir après ceux qui s'en vont? Chaque sourire a besoin de son chat, sinon les deux tournent en rond. Mais moi, j'ai rien trouvé mieux que ton sourire qui s'éparpille. J'ai rien trouvé mieux. T'es plus qu'un one night, t'es plus qu'un rebound. T'es un job sur ma tête qui met à terre au premier round. Tu me dis que tu m'aimes pas, que tu te sens bien dans le célibat. Tu sais trouver les mots pour faire tomber les cœurs. Tu me parles de lui, de l'autre, du seul à qui te dit oui. Tu me parles de moi aussi. Tu me trouves beau, tu me trouves drôle. Je te trouve belle dans ta robe, sans ta robe, tes épaules qui font danser les cœurs. J'ai rien trouvé mieux que ton sourire qui s'éparpille. J'ai rien trouvé mieux que ton corps qui se déshabille. J'ai rien trouvé mieux. Ton one night, au mieux ton rebound. Quand j'étais avec toi, je me sens comme un produit, j'essaie de me vendre. Tu te saoules de plaisir, tu restes jamais dormir. Tu refuses le malaise, l'ennui. Tu te protèges de l'amour, puis tu gaspilles l'envie. J'ai rien trouvé mieux que ton sourire qui s'éparpille. Cette manie-là qu'on a de courir après ceux qui s'en vont. Maxime Desbiens Tremblay et sa pièce Rien de mieux à Assemblage Requis. J'ai une petite réflexion comme ça parce que je viens de voir sur les différents Facebook, là, version canadienne française. Bon, j'ai fermé ma page, il fallait bien que je la ferme. Donc, fin du monde aujourd'hui à midi 12, blablabla, qui vient à telle place pour fêter. Nanana. Excuse-moi, la fin du monde, c'est genre, c'est quoi, c'est le 21, je pense? Ouais, mais... Il y a déjà des 2-1 dedans. Fait que fais pas ça le 12-12-12 juste parce que c'est cute de faire ça. Mais il est à l'envers, le 12. Et ça te fait 21, puis ça marche pas. C'est comme un 2-2-1, ou en tout cas, dépendamment de où tu le mets. Hein. Des fois, c'est comme année, mois, jour, jour, mois, année. Hey, c'est ça, j'allais dire. Là. Dans le fond, on est le 12-12, ou encore, pour ceux qui sont américains et qui disent les dates à l'envers, c'est aussi le 12-12-12. Fait que là, c'est comme pour tout le monde, le 12-12-12. Il n'y a pas de différence. Alors que d'habitude, c'est mettons le 1-2-2-3. Le 2, tu sais, le 3, 2, 1, tu sais. Mais c'est ça, là, c'est un bonheur universel. Uniforme universel, uni-pneu. Uni-pneu? Non, ben, c'est un autre mot qui commence par uni. Université, j'aurais pu dire. Oui, il y aurait peut-être eu plus un lien. J'avais mon pneu en tête. Coudonc, bon. Quoi dire d'autre? Ben tiens, quoi acheter d'autre que des pneus pour l'hiver? Ah, ça, c'est intéressant. C'est intéressant, mais je ne vous parlerai pas de pneus, je vais vous parler d'autres choses qui n'ont pas rapport. Voici, ça existe, mais ça devrait répondre là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, c'est la chronique où on suggère des solutions à vos différents problèmes de la vie de tous les jours. Évidemment, un des problèmes qu'on a tous dans la vie, c'est d'avoir froid. Tu sais? Oui, surtout là, tu sais, l'hiver. Surtout l'hiver, en effet. Bon point, très bien, c'est pertinent. Donc, on a froid à la tête particulièrement et aux oreilles. Et en même temps, on veut se sentir un petit peu comme au Moyen-Âge, comme un chevalier, tu sais, un chevalier sur un cheval blanc. Mettons. Hein? Oui. T'sais? Avec une épée et tout ça. Donc ici, c'est une tuque qui est en forme de casque de comment t'appelles ça? Un peu de métal. Une armure? Un chevalier, comme je viens juste de le dire. Une armure de chevalier. Un chapeau d'armure. Toujours la misère avec le mot armure en français. Je me rappelle jamais c'est quoi le mot. Ah ben... Bouclier aussi, j'ai de la misère avec ce mot-là. J'ai tout le temps shield en tête. Là, dans ma tête, ça fait comme shield, c'est quoi en français, puis je cherche, je trouve pas ça. Ben écoute, dans ce temps-là, appelle-moi. Je vais faire ça. Donc, c'est une tuque tricotée, vraiment. C'est une boutique sur Etsy qui vend ça. Donc, évidemment, Etsy, c'est un site où n'importe qui peut faire son propre produit et le vendre. Par exemple, tu pourrais décider de faire n'importe quoi, comme, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais bien faire, toi? Un couvre-banane en laine, mettons. Un couvre-banane en laine en forme de banane? Ben, t'aimes bien les affaires de plastique pour protéger tes bananes. Oui, des bananes à case. Banana case! Ouais, c'est malade. c'est ça, pour les bananes. Mais une banane, c'est tellement vulnérable. Tu mets ça dans ta boîte à lunch, puis ça a froid, là, ça devient brun, puis... Bon point. Une banane molle et chaude, c'est jamais intéressant, n'est-ce pas? Donc, sur Etsy, la vendeuse Hattie Hooker a construit elle-même tricoté cette tuque de chevalier, si on veut. Et puis, il y a même le rabat pour la bouche, là, pour protéger la bouche. Et il y a des petits boutons sur le côté qui peuvent tenir ça. Donc, ça tient vraiment par-dessus ta bouche. Et ça te fait un genre de cache-cou en laine, un cache-bouche, finalement, parce que ça coche pas ton cou par-dessus. Ouais, mais moi, je vais être bien honnête, là. Je la trouve un peu quétaine. Bah, come on! Ça coûte 40$. Ah! Écoute, regarde. Moi, je connais deux filles qui font des tuques sur demande à ta volonté, comme tu les veux. Okay. Là. Si vous allez sur Facebook, il y a Accroche ta tuque, il y a aussi les tuques de Stéphanie. Il y en a vraiment des comme 1000 fois plus malades que ça. C'est pas toi, Stéphanie, là-dedans? Non, c'est une autre Stéphanie, mais allez voir ça, les tuques de Stéphanie, puis Accroche ta tuque. Il y a même des barbes en laine. Oui, c'est cool, ça. Mais tu pourras pas te battre contre un dragon, comparé, mettons, le chevalier pourrait se... Ouais, mais je sais pas, tu sais, un casque de viking, puis tu peux te battre contre d'autres choses. Ils se battaient contre quoi, les vikings? Je sais pas. Je suis pas un fanatique de vikings du tout. Tiens, est-ce que t'as toujours rêvé, toi, tu sais, les petites boules, les petites sphères de neige que tu peux brasser, puis il y a de la neige qui arrive dessus? Là? Oui! Bon, ben, t'aurais aimé ça la faire avec quelque chose d'autre dedans. T'as le choix d'acheter le globe que tu veux, mais t'as pas le choix de mettre ce que tu veux vraiment dedans. Donc, Snow Globes, c'est Seedling, c'est le nom du produit. Tu peux mettre n'importe quoi à l'intérieur. C'est un kit qui vient avec de l'argile, de polymère, de je sais pas quoi, là, peu importe, mais que tu mets au four pour le faire prendre. Ça vient avec du glitter et puis le petit stand, là, si on veut, le truc sur lequel tu mets ta sphère. Donc, si tu peux l'imaginer, tu peux le créer et le décorer. Tu peux même décorer la base. C'est parfait pour un enfant, rempli de créativité. Et ça s'achète sur Internet. Et si j'avais le prix ici, ce serait donc pratique. Sur Amazon, c'est 27$. C'est vraiment chouette. Bonne idée. C'est le fun que tu dis c'est bien pour les enfants puis que moi, je suis comme un peu fébrile en avant de mon ordi. Non, mais moi aussi, la plupart des gadgets pour enfants m'intéressent pour vrai. C'est cool. C'est très, très cool. Ensuite, t'as toujours eu ce problème-là, sûrement. En tout cas, moi, je l'ai à chaque semaine quand je me fais des pâtes où il faut se mettre une tasse de lait et une tasse d'eau. Quand ça bouille et que ça déborde du chaudron, c'est pas plaisant à laver du lait. Donc, je lave pas puis ça sent mauvais les fois d'après. T'sais? Mais en fait, moi, je fais très bien à manger puis je fais pas vraiment déborder mon lait. Ah, toile! Toile, là! Oui! Bon. Donc, ici, ça s'appelle le Cock Bloom. J'imagine que c'est Cock Bloom ou quelque chose comme ça. C'est le Spill Stopper qui empêche de déborder. Donc, c'est le Cock Bloom Spill Stopper par Cool Ricon, c'est le nom de la compagnie. C'est fait de silicone. Ça vous permet de vous éloigner du four. Et il y a une valve, un petit bouton stop qui va un petit peu comme une fleur. Dans le fond, c'est difficile à expliquer. C'est comme un couvercle, mais à l'envers, de silicone, okay, comme les produits Star Frites. Tu mets ça sur le chaudron et la valve au milieu va permettre à l'eau de s'échapper et le morceau de plastique de silicone va tenir l'eau. Donc quand ça va bouillir, ça va juste déborder dans le couvert qui est à l'envers. C'est vraiment cool. C'est génial. Allez voir la vidéo pour comprendre sur assemblagerequis.com. On dirait un nénuphar. Exactement. C'est pour ça que j'avais dit une fleur. Une fleur sur un nénuphar, on dirait. Pour vrai. Ouais, comme le nymphéas. J'imagine. Sur nymphéas. Probablement. Je peux pas dire que je peux comprendre la référence. C'est disponible en rouge, en vert et en mauve. Oh, oh oui! Et je veux savoir aussi combien ça coûte. Attention, attention, sur Amazon. Ah, juste 30$. C'est pas cher, ça vaut la peine. Ça vous empêche, si vous allez pouvoir continuer à regarder la TV, vos talk shows américains de merde. D'habitude, je dis de ma. J'ai oublié de me retenir cette fois-ci. Comme la... C'est ça. Donc, vous pouvez continuer de regarder la télé pendant que votre eau bouille et... déborde. Je me retiens vraiment pour bien parler avec toi. Hein. C'est la misère des fois. Votre eau bouille ou boue? Bou. D'accord. Et Colin, si tu sais pas, imagine comment je le sais pas. Est-ce que t'as une Pac-Man? J'ai toujours eu, je suis trop stressée pour jouer à ça. J'aime ça, mais ça me stresse. Ce qui est stressant, c'est quand tu passes d'un côté à l'autre du tableau par la bouche dans le milieu. Ah, mon Dieu, hey! Puis là, tu sais pas si tu vas... Ben, tu le sais parce que tu le vois sur l'écran, mais tu regardes pas assez. Puis, en tout cas, c'est bien difficile. Donc, c'est ça, c'est une banque Pac-Man. Tu peux insérer de l'argent et ça fait des waka waka waka waka waka. Quand cool! Tu sais, pour vrai, waka waka waka waka waka. On dirait vraiment Pac-Man quand je l'imite, hein? Pareil. C'est ça. Réincarnation. la Pac-Man Bank. Écrivez-moi donc le prix dans l'article. 18,90$. Ah, c'est pas super. Non, vraiment pas cher. J'aime ça. Et moi, je suis un fan encore plus de Tetris. Oui. Évidemment. Et tu veux pouvoir gagner à Tetris dans ton verre de breuvage, tu sais. Donc, c'est des glaçons en forme de Tetris. En fait, c'est un socle, comment t'appelles ça? Comment t'appelles ça, un tree, un rack? Un moule. Un moule. Un moule à glaçons. Un moule. Non, OK. Donc, c'est un moule de morceaux de Tetris, Tetris Silicone Ice Tree. Et c'est parfait pour faire, évidemment, pour n'importe quelle boisson, évidemment. Tu sais, si tu pognes la barre, je ne sais pas ce que ça fait, est-ce que ça vide ton verre? Ben, c'est ça qui crée des Tetris, souvent. Ouais, c'est ça. Si tu fais une ligne au complet, ça... Ben, j'espère. Il faut un maudit gros verre, par contre, pour faire rentrer la plupart des blocs. 10$ sur Amazon, wow! Ça, c'est vraiment pas cher. Non, c'est pas cher, puis c'est vraiment chouette. Et c'est un produit sous licence, donc vraiment avec les vraies formes. Tu sais, c'est pas des imitations, parce qu'il y a déjà eu d'autres moules à glaçons Tetris, mais pas licenciés, donc c'était pas les vrais forme. Ça, j'aime moins ça. Ah, celui-là, c'est mon préféré de la semaine, je pense. Oui. Il sert absolument à rien. C'est un gadget que tu branches sur ta prise dans ta prise USB de ton ordinateur. Et c'est juste une queue, genre de lézard ou je sais pas quoi. Hein? Non, c'est un tentacule. Un tentacule de quel animal? De pieuvre? Oui, probablement. Hein? Si tu me sors, là, c'est un tentacule. Dis-moi donc quel animal que c'est, si tu connais tout, toi. Hein? D'un calmar. Calmar, parfait. Donc, tu branches ça dans le port USB, ça wiggle, wiggle, wiggle, ça se fait aller. Mais malheureusement, ils n'ont pas été assez intelligents pour intégrer une clé USB. Comment? Est-ce qu'il faut tout vous dire? Oui, il me semble que ça aurait été la clé USB la plus cool du monde. Vraiment. Mais ils ont juste fait un tentacule qui se wiggle. C'est ridicule. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. Bon. 25$ par queue qui sert absolument à rien. Pour le prix, sérieusement, là, mettez-moi une clé USB de 2 Go au pire, là, la plus cheap possible. Mettez-la dedans. Tu peux aussi en acheter plusieurs, évidemment, et brancher ça sur une rallonge ou sur différentes prises USB, puis ça va wiggler comme une vraie... Mais là, ça prendrait vraiment comme des ports USB tout le tour de ton ordinateur pour faire un ordinateur... Je pense qu'il partirait à nager si, mettons, tu le mettais dans l'eau. Non. Je pense que l'USB marcherait pas dans l'eau. L'ordinateur non plus, probablement, après, va être capote. Peut-être. Tu connais ça, toi. Ah, moi, l'informatique, l'électronique, là, écoute, je suis vraiment calée. Un ordinateur dans l'eau, capote. Capote, calée, c'était en plus une blague de nage. Pas pire, hein? Ensuite, tiens, tu veux impressionner monsieur, madame, tout le monde, tu veux impressionner le boss, là, tu veux t'amener des post-it de couleur originale. Ici, c'est des post-it en forme de cassette de Nintendo Entertainment System. Oh, wow! Le premier Nintendo, donc 8$ par bloc, des blocs de 3 par 3 pouces. Et puis, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, il y a orange, vert et bleu. C'est beau! J'aime vraiment beaucoup celui-là. Ah, ça, c'est génial. Pour les alcooliques, tu m'écouteras. Steph? Pardon? C'est pas vrai. C'est pas un alcoolique, là. Faites-vous pas d'idée. Donc, des guimauves. Je cherchais mon mot, des marshmallows. Des guimauves, mais avec de l'alcool dedans. C'est pas génial, ça? Donc, évidemment, garder ça loin des enfants. Ouais, c'est ça. Faut pas que tu te trompes puis tu mettes ces petites guimauves-là dans le chocolat chaud. Mais t'es pas dans le feu non plus. Faites pas griller vos guimauves sur ça une branche. Ça va exploser? Ben, probablement. Flamber ou... Ben là, à quoi ça sert? Je sais pas. Juste manger de même, là? Ben oui. Ben moi, je trouve ça plate, une guimauve nature. J'avoue. Mais dans du chocolat chaud, c'est bon. Donc, tu sais, mettons, tu pourrais te faire un chocolat chaud avec des guimauves à l'alcool dedans. Moi, je trouve ou Bailey, ça serait cool. Oui. Ah, génial. Hein, popé? Que d'idée. Disponible avec 2 saveurs, Maker's Mark et Guinness. Tu sais, Guinness, c'est de la bière noire. J'aime vraiment pas le goût de la Guinness. Ah. C'est dégueulasse. Ah, elle doit être vraiment dégueuse, la dégueuse. Dégueuse. Oui, c'est une guimauve. C'est ça, une guimauve dégueuse. Puis quand t'es manges dans ton verre, après ça, ta vision devient floutée. Floutée, oui. Si on peut utiliser nos deux mots inappropriés, là, qu'on aime beaucoup. D'accord. Une boîte de 16, voyons, une boîte de 16 pour 7,50$. On dirait que j'ai bu, tu sais. Boîte de 16 pour 7,50$. T'as mangé des guimauves? Ça doit. Ça, là, pour un animal de compagnie, mettons, tu t'en vas en vacances. Stéphanie, je sais que tu t'en vas en Gaspésie. Oui! C'est ça? Oui! Ça va être pratique pour je toi. Je m'en vais une semaine en Gaspésie et mon chat, je suis comme. Il va mourir. Il te faut absolument la Pinto Feeder. Non, Pinto Feed, excusez-moi. Donc, c'est une machine machine distributrice de nourriture pour chat connectée par Wi-Fi. Une fois que tu l'as installée, tu mets jusqu'à soit 5 ou 10 livres, il y a 2 modèles, de nourriture pour chat. Des petites crottes pour chat. Tu appuies sur ton bouton, sur ton téléphone intelligent, et ça va servir une portion de 1/8 de tasse à votre compagnon, à votre animal de compagnie. L'application, après plusieurs semaines ou journées, je sais pas combien de temps ça prend, va finir par apprendre à quelle distance tu appuies sur le bouton et va finir par donner la nourriture automatiquement et est informé par alarme sur ton application qu'il a nourri ton animal, donc t'as pas à t'en faire. C'est-tu pas génial, ça? Wow! C'est vraiment fantastique. Et ça va dire aussi sur l'application, non seulement à chaque fois que ton animal de compagnie est nourri, mais aussi quand le mécanisme s'est fait bloquer par de la nourriture, tu sais, des fois la nourriture comme dans une machine à gomme. Ça peut coincer. Donc, tu vas recevoir une alerte. Il y a deux moteurs, et si un des deux moteurs finit par pas marcher, il y a une pile qui va durer jusqu'à 3 mois. Comme ça, s'il manque d'électricité, ça va marcher quand même. Ils ont pensé absolument à tout. Mais oui, mais là, qui abandonne son chat pendant 3 mois? Non, mais je sais bien. Parce qu'elle donne pas d'amour, la machine. Elle fait juste donner à manger. Oui, mais la pile dure 3 mois. Donc, si, mettons, il manque de courant, puis t'as pas changé ta batterie. Ouais, OK. C'est bon. C'est OK, ouais. OK. Fait que, genre, dans ta face. C'est beau, j'ai compris. Parle à ma patte. Donc, ça coûte 100 $. En fait, c'était en funding. Ils ramassaient de l'argent sur Indiegogo, qui est comme un genre de Kickstarter. Et si vous misez, vous gagez, vous promettez de donner 100 $, vous allez recevoir le produit en juin 2013. Ah, ben là, mon chat va être mort d'ici là. Parce que moi, c'est dans une semaine que je m'en vais. Too late, too late. Celui-là, je sais que j'ai mis dans ma liste. Je l'ai gardé parce que c'était vraiment une bonne idée. Mais c'est pas un vrai produit. C'est une boîte que vous pouvez acheter pour faire un faux cadeau. Mettons à François-Olivier, OK. On va parler moins fort. Oh! On va le dire vraiment en secret. On pourrait y faire comme cadeau de nouveau papa numéro 2. Mais en fait, c'est le même père, mais deuxième enfant. C'est le Crib Dribbler. C'est comme si ton enfant était un hamster. Donc, c'est une distributrice à eau pour ton enfant dans sa bassinette. C'est une pipette. Une pipette. Une pipette. Une pipette. Donc, si ton enfant a besoin de se faire nourrir et que toi, tu veux pas y aller, ben, tu peux pas avoir ce produit-là parce que ça n'existe pas. Mais la boîte coûte 8 $. Ah, oh, je sais pas, je trouve ça douteux, moi. Comme, c'est cruel. Ouais, je sais pas, l'image du bébé qui boit à la pipette comme un animal. Je sais pas. Je trouve ça génial. Ça me fait un petit quelque chose en dedans, moi. Ben, ça prouve que t'as un instinct maternel sophistiqué. Je sais pas, peut-être juste un instinct de bonté, de non-cruauté, non? Ouais. Fais pas de blague sur le fait que tu pourrais faire ça à un nain aussi, le truc de hamster. Quoi? Non, mais t'avais l'air de t'avancer sur le sujet. T'as dit d'instinct, j'ai un instinct. Hey, oh oui, c'est clair, je m'enlignais pour parler de nain. Ben, ça a l'air à ça. Tu vois, je vais pas te mettre des mots dans la bouche, là. Trop tard. Trop tard. Un sapin de Noël maintenant, rabattable. Tu sais, pour les gens qui sont extrêmement paresseux, ça s'appelle le Treezy. Moi? T'as pas encore fait ton arbre de Noël? Ben, je le ferai pas. J'ai même pas encore défait toutes mes boîtes avec les trucs essentiels. Tu viens de déménager, faut le dire, donc oui. C'est normal que les choses soient un petit peu dans des boîtes. Mais si t'avais l'argent et l'envie de te commander ça, sûrement tu pourrais l'avoir avant Noël. Le Treezy, c'est un arbre de Noël minimaliste, de métal, ou en fait, je pense que c'est pas du métal. Ça me disait pas, est-ce que ça me disait le matériau? Non, pas du tout. Mais c'est le designer d'Argentine, José Manuel Roberto Alarcón, qui a fait ce prototype-là. En fait, c'est pas à vendre, mais on peut contacter José pour avoir plus d'informations sur le Treezy. Donc, allez voir la photo, c'est dur à décrire, mais c'est une genre de surface. On dirait un 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est combien? C'est un hexagone? 6 hexagones. C'est ça? Oui. Easy gun pas, easy busy. C'est ça. Non, easy gun pas. Ichi-bichi. Donc, tu le tiens par le milieu et puis ça s'étire et puis ça fait un arbre de Noël vertical, évidemment, on s'entend là-dessus. Merveilleux, ça. Merveilleux. Une autre chose de Noël que j'ai mis dans le même coin de ma liste, comme si c'était d'Adon, comme ça, et comme on en prévu, c'est des décorations de Noël. Et évidemment, des Legos, tu sais, pour tout le monde. Je pense que les Legos, c'est beau. OK? Moi, dans la vie, ce que je trouve beau dans les choses pour enfants, mais qui sont aussi bonnes pour tout le monde, pour tout public, de tous âges, c'est les blocs Lego et les cubes Rubik. Oui. Tu sais, pas mal ça. C'est des classiques. Des classiques. Donc, dans ce cas-ci, c'est des blocs Lego, mais collés ensemble pour vraiment faire des boules de Noël. C'est vraiment beau. Pour c'est vrai, chouette. Là, c'est très, très chouette. J'ai envie d'en acheter, même si moi, les arbres de Noël, je m'en fous complètement. Mais c'est un ensemble de 6 composé par Agnieszka Biernacka. Pour 80 $, c'est fait à partir de blocs Lego, vraiment d'origine. Et tout brillant, collé ensemble, comme je disais, pour pas qu'ils se défassent. Tu pourrais le faire toi-même, mais tant qu'à ça, on se met à l'acheter. Non. Pourquoi se forcer? Je veux dire, on achète un sapin avant qu'il faut que tu fais juste le lever puis il est monté. Qui veut faire ses boules de Noël en Lego après? On les commande déjà faites. C'est poser la question, c'est d'y répondre, là. Hein? Celui-là, sérieusement, OK. Tu sais, à chaque chronique, il y a au moins un produit que je veux vraiment et que je vais probablement acheter. Cette semaine, c'est celui-là. C'est le Stick and Find Bluetooth Sticker. C'est un autocollant Bluetooth, OK, que tu peux coller à n'importe quoi. Par exemple... Mettons, je pourrais le coller après ma paire d'écouteurs, OK? Comme ça, si mon téléphone s'éloigne trop longtemps de ma paire d'écouteurs, mettons, j'ai oublié en studio, ou ma clé USB, mettons, ça va m'alerter. C'est un autocollant. Ah. Comprends-tu? Oui, faut que je te fasse un dessin. Non. Un autocollant Bluetooth que tu peux coller sur n'importe quoi. Et comme je te disais, il y a deux modes. Si tu arrives à l'intérieur d'une certaine périphérie autour, dans le fond, tu peux appuyer sur un bouton Find It sur l'application et ça va te dire chaud-froid, comme ça tu vas pouvoir trouver ton objet. OK? Ça, c'est le mode Find It. Il y avait l'autre, le mode laisse virtuel, c'est une laisse comme un chien, qui fait exactement le contraire. Et si tu t'éloignes du périphérie, en tout cas, tu comprends? Ça va t'avertir aussi. Donc, les deux modes sont possibles, soit quand t'arrives proche ou quand tu t'éloignes trop. C'est absolument fantastique. Et écoute bien le prix, Stéphanie. J'écoute. Paradis, c'est présentement en funding sur Indiegogo. Un starter kit de deux Stick and Find stickers coûte 35$, 6 pour 90$. Imagine comment ça va t'aider dans la vie. Mais c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment pas cher. Le funding a été atteint, donc ça va être produit et on devrait les recevoir en mars 2013. C'est vraiment chouette. Et je me demandais, est-ce que tu peux coller ça à tes enfants pour pas les perdre au centre d'achat? Ben, sais-tu quoi? Ça le disait dans l'article. Au pire, tu peux le coller sur son sac à dos, sur sa boîte à lunch, sur même, tu sais, au pire, sur son porte-clés ou sur un collier. Là. OK, c'est vraiment cool. C'est parfait là, comme produit. Ou sur sa blonde pour un gars vraiment jaloux. Oui, exactement. Non, reviens ici, toi, au bord, des fois, quand tu cherches tes amis. Exact. Il y a quelques mois, j'avais parlé d'un autre gadget du style comme ça, qui pouvait. C'était un petit bloc, je pense que c'était un cube que tu pouvais mettre dans des affaires et ça allait détecter l'humidité ou des trucs comme ça. Fait que tu pourrais combiner le stick and find et l'humidité. Vous me voyez venir pour voir si ta blonde trompe l'humidité. Ah! Oh. On se comprend? OK, ouais. J'arrête là. Oui, arrête-moi ça. S'il te plaît. Oui, immédiatement. Arrête. Okay. Ensuite, c'est pour ceux, au contraire, de ceux qui sont seuls pour les fêtes. OK? Mais vous avez quand même besoin de manger de la nourriture des fêtes. Oui. Hein? Et tu veux pas avoir à passer ça au micro-ondes ou dans la poêle ou dans un chaudron. Donc, il te faut la Hot Can Christmas Dinner. Non, le Hot Can Christmas Dinner. Pas besoin de micro-ondes, pas besoin de rien, de fourneau ou du tout. C'est self-eating. Je sais pas comment ça fonctionne, mais ça se cuit soi-même. Et c'est une casserole, tu sais, de la casserole, là. Turkey casserole, avec des légumes d'hiver, OK? Des chipolatas, des stuffing balls, j'ai aucune idée ce que c'est, je pense que c'est des choux de Bruxelles ou quelque chose comme ça, et de la gelée, tu sais, de la gelée de canneberge. Tout ça dans une canne, et ça se chauffe tout seul, ça prend, ça dit que ça cuit en dedans de 8 à 12 minutes, et c'est votre dinner in a can. Ça coûte 10$ pour environ 400 grammes, une livre de nourriture. Moi, je trouve ça louche comme produit. Très, très, très louche. Mais je suis vraiment curieuse de savoir ce que ça goûte, genre, est-ce que ça a vraiment... Sûrement absolument, soit rien ou vraiment pas ce que c'est supposé goûter. Parce que déjà, moi, les petits repas congelés, je trouve ça louche. Là, t'as comme une canne qui s'auto-chauffe. Je sais pas si ça vraiment... Je sais pas, c'est peut-être chimique. Ça chauffe comment? Je sais pas. J'aimerais ça savoir. Je sais pas. Il faudrait que j'aille me renseigner sur le site de la compagnie. Allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien. Je laisse aller voir ça parce que là, on va commencer à manquer de temps. On va se dépêcher pour les derniers gadgets. Kangaroo Bottle, si vous avez à transporter vos affaires sur vous, mais vous n'avez pas de poche, vous voulez pas transporter un sac banane, mais vous êtes donné à avoir une bouteille sur vous, remplacez votre bouteille d'eau, par la Kangaroo Bottle, qui a une petite porte barrable où on peut mettre de l'argent, des clés, carte de crédit. Évidemment, moi, je pars ma bouteille d'eau assez fréquemment. Je les oublie dans le bureau des autres. Donc, 13$ pour ceux qui sont capables de tenir cette bouteille-là près d'eux. Mais ça, c'est cool pour aller jogger, par exemple. Si t'as pas de poche, tu peux mettre tes clés. C'est parfait. C'est merveilleux. C'est une très, très bonne idée. Bouteille de 24 onces avec un petit compartiment pour tout ça. Et puis, il y a une fonction auto-seal qui est à l'épreuve de l'eau. Chouette. Donc, ils ont pensé à tout. Si vous êtes un adulte, mais que vous agissez comme un enfant, Wine Glass CP Cup. Ce sont des verres, un petit peu comme des verres pour enfants. C'est des CP Cup, là, c'est l'affaire avec un petit trou, puis là, tu bois quand tu t'es après. Là. Mais dedans, il y a la forme d'une coupe de vin. Donc, ça a vraiment l'air, quand tu regardes de loin, d'une coupe de vin à l'intérieur de CP Cup. Et puis, évidemment, tu peux boire ton vin à ta guise. J'imagine que tu pourrais mettre d'autres liquides dedans. Ça, moi, je trouve ça très drôle. Ça serait vraiment mon genre de cossin. Ben oui, puis après ça, tu te demanderais pourquoi je te traite de Soulon en ondes. OK, là, non! Pas celui-là, je suis gaspésienne. Okay. C'est presque pareil. Mais si t'amènes une CP Cup avec du vin en studio, tu pourrais pas la renverser parce que les CP Cups, c'est fait pour ça. Si tu renverses, ça fait pas de dégâts. Mais c'est un petit peu tôt pour commencer sur le vin. Ben non, mais là, on est le 12 décembre, ça s'en vient. T'as l'excuse. OK. T'sais, l'heure n'est pas importante, c'est la date. OK. Fait que plus on approche de Noël, plus on peut commencer à boire tôt le matin. C'est bon. 15 heures. C'est comme la luminosité. Tu t'approches de Noël, puis il fait... OK, c'est T'as tout compris. 15$ pour chaque CP Cup de 10 onces de liquide. Et c'est 100 BPS, donc aucun problème là-dessus. Celui-là, bon, c'est cool, mais j'en parle pas trop longtemps. C'est un genre de gros trombone dans lequel tu passes tes écouteurs, tu snaps tes écouteurs, tes fils d'écouteurs, et tu peux après ça twister et imbriquer le fil dans le rabat du trombone. Et le trombone peut aussi s'intégrer à une strap, une courroie de sac à dos. C'est chouette, ça. Ouais, dans ta ceinture. C'est très, très beau. Très joli. Tu vas faire parler de toi et en plus, ça va être très pratique. Donc, allez vous acheter ça. Moi, ça, c'est un autre des produits que j'aimerais. Des consoles de jeux vidéo en version décoration de sapin de Noël. Celles-là sont faites à la main. Ça coûte 35$. Je sais pas pour combien, mais c'est coupé au laser. C'est en acrylique et mesure 3 pouces de large. Fait donc à la main, comme je disais, ben, pour avoir votre arbre de Noël à votre façon. C'est bien. C'est très beau. C'est très esthétique, je trouve. C'est geek à mort, mais j'adore ça. Oui. Une autre chose geek, une poêle. Ou un poêlon pour cuisiner, mais avec une épée à la place d'avoir le manche. Ah. Donc, t'as comme un début d'épée, puis là, ben, tu peux comme virer, puis comme faire « Wouah! Ouha! » Comme un genre de... Non, je refuse. De comment t'appelles ça, le gars qui fait de l'épée? D'escrime? Un escriminel. Un épéiste. Un escriminel. Un escriminel. J'aime ça. Bon. Nom de l'épisode d'aujourd'hui. D'accord. Et pour terminer, ça c'est ce que j'attendais, ce que vous attendiez tous depuis le début des temps. C'est des guimauves à ajouter à n'importe quelle sorte de céréales. Oui. Magicians Cereal Marshmallows, ça dit ajoutez à vos céréales préférées ou encore ajoutez-les à vos céréales déjà sucrées d'avance. Style Lucky Charms. Lucky Charms et rajoutez-en en plus. Voilà. C'est tout pour la chronique 5 semaines, ça devrait répondre là. On a dépassé notre limite de temps alloué, mais c'était donc le fun. T'sais? Ouais, oui, c'est le fun. Comme si on avait du temps alloué, c'est moi qui décide. C'est moi l'animateur, j'ai la console devant moi. Voyons. Hein? Ouais, oui. On s'en fait pas avec les problèmes de la vie, là. Ah oui, Maxime va rester dehors, puis... Attends, il aurait pu entrer aussi, tu sais. Oui, mais il est sûrement là. Ouvre la porte, Maxime, Maxime, rentrer, on veut te voir. Salut. Es-tu là, Maxime? De pas être là. Oui, il est là. Ah, oh, il est là. Oh, yeah. Salut. Ah, ben, ah, ben, ah, ben. On vient avec lui tantôt, on va parler de plein de choses très intéressantes. Hein. Moi, je me rappelle d'avoir écrit le sujet sur le site, oui. Ah oui, ah, c'est Colin. Je suis en train de checker mon Twitter. Je suis en train de regarder mon Facebook pendant que je faisais ça. Ça m'a tout déconcentré, tu vois. Ça va être le sujet d'aujourd'hui, c'est la surcharge d'informations. Ah, oui. Ah. Ah, t'es dur à suivre des fois. Là. Un petit peu, hein. Pour l'instant, on prend une pause, on vient avec Maxime, là, c'est... C'est fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Le plan de demain à assemblage requis. Maxime Bétu nous livrera une chronique ciné et télé remplie de scènes d'action et de choses cliffhanger afin de savoir ce qui va se passer dans le prochain épisode. Et je vous parlerai de ce qui se passe sur le web en ce moment dans la chronique Geeks et Elixir. C'est demain à assemblage requis dès 7h. Soyez-y. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Sifu, vous écoutez Assemblage requis et vous aimez ça. 8h37 minutes, Assemblage requis. Stéphanie Paradis est toujours là? Oui, je suis toujours là. En remplacement de choses, comment il s'appelle l'autre? J'ai oublié. Monsieur Grosse Pantoufle. Monsieur Grosse Pantoufle. Parce que Maxime Bilodeau a dit que. Elle doit chausser de grosses pantoufles ce matin, remplacer un François-Olivier qui est la grosse pantoufle. Ah, c'est ça, François-Olivier. Marchand, je pense. Oui, le marchand de bonheur. Ou marchand dans des pantoufles. C'est le gars qui est là. Marchand dans des pantoufles, tiens. Oh, tabarouette. Tabarouette. On aime ça, on aime ça. Et moi, c'est Mathieu Plante, évidemment. Maxime Bilodeau qui vient d'arriver pour s'accoler d'une foulée à l'autre. Un pied devant l'autre. Un, deux, comme la date d'aujourd'hui. T'sais. 12 wow. décembre. Un, deux. On enjambe ça. Donc, d'une foulée à l'autre, et cette semaine, on parle d'hyper-collectivité, de surcharge d'informations dans la vie. Oui, et du remède à la... Oh, ben, un remède parmi tant d'autres, là, c'est sûr, il y en a plus qu'un, mais... C'est quoi, arrêter cold turkey comme la cigarette ou la drogue? Non, je vais vous parler de nature, de scène. Oh, ça va être super le fun, mais on va commencer par commencer. Notre hyper-modernité. Oui. Hé. Hé. Hé. Oh, surconnecté, oui. Surstimulé. Tellement. On est comme trop bombardé d'informations. Attends, je vais aller chercher des synonymes pour ça. Non, tu peux chercher dans la chronique, Si tu veux, c'est, je pense pas que tu vas capter vraiment le message. Je me retiens. Moi j'essaie, comparé à d'autres gens qui, pendant l'émission des fois, regardent d'autres affaires, ouais. J'essaie de t'écouter. OK. Pas de déficit d'attention. Non, moi, je suis capable de me concentrer. Parce que le déficit d'attention, veut pas, c'est une des super conséquences de notre hyper-connectivité, hyper-modernité. Oui. Entre autres, quel exemple je pourrais donner? Est-ce que tu essaies de faire des malaises comme j'ai fait plus tôt dans l'émission? Non, j'ai réussi. Je sais pas. Juste faire remarquer que, veux pas, le Facebook, le Twitter et les compagnies, ben ça c'est un peu l'effet secondaire de ça, si on veut. Notre manque d'attention, notre manque de concentration. On est tellement bombardé d'informations 24 heures sur 24. C'est un fait. T'sais, on a tous déjà fini une journée où on était rendu le soir, on était à bout, on n'avait rien fait de notre journée parce qu'on avait juste comme trop consommé de choses. Ouais. Là. Trop de vidéos, trop de pages Internet. Tu sais, les 50 onglets ouverts dans notre serveur Internet. C'est un classique. C'est quand même récent, les onglets sur Internet. Avant, on n'avait même pas besoin de ça. On faisait juste ouvrir 2-3 fenêtres de côté de l'autre. Mais maintenant, on a besoin de tous. À place d'être 50 onglets, c'est maintenu. C'était 50 pages, dans le fond. Là. De livres. Tu ouvrais 50 livres à côté de l'autre. Non, de 50 pages avec 50 onglets, on peut regarder plus en même temps. Ouais, oh yeah! Ouais, ça fait quelque chose assez. Comme 250 livres. Attends, plus 2500. En tout cas, pas bon en mathématiques. J'ai pas assez de doigts, là. Donc, dans le fond, tout simplement dire qu'on est tout le temps distrait. En plus, on ajoute à ça, ben on n'est jamais amené à être connecté avec autre chose que cela, dans le fond, parce qu'on est dans un environnement où c'est juste ça. Oui. On est. Ah, tu fais juste ça. Tu regardes la télé, en bas, t'as un scroll qui passe des nouvelles, t'as du texte qui apparaît en bas de l'écran. Et voilà. Dans ta journée, qu'est-ce que tu fais? Compte les heures que t'es assis devant un écran quelconque, que ce soit la télé, que ce soit l'ordi. C'est un autre fait. On ne fait que ça. Également, on peut dire qu'avec cela vient tout ce qui est les super maladies qui sont le tour de terre qui augmente, l'obésité, tout ce qui est tous les syndromes métaboliques, tout ce qui est justement les troubles cognitifs, tout ce qui est ces choses-là. Donc, dans le fond, est-ce que notre hyper-modernité ne serait pas quelque chose d'un peu nuisible, d'un peu délétère? Ben oui, parce que là, faut que je sois à jour. Je ne vais pas me lever debout, là. Faut que je reste assis pour rester à jour. Ben oui. Mais on devient complètement accro à ça si on manque une nouvelle sur Facebook. Moi, je venais que je filais mal. Là. Ben oui, mais là, voilà. Je suis en sevrage. J'ai pas Internet. Ah. J'ai pas le câble chez nous. Mais ça fait du bien. C'est quand même pas ça à la job non plus. Non, c'est juste de survivre les 2-3 premiers jours. Là, après ça, oh. Ouais, là, ça fait quoi, là, genre 2-3 semaines? Là, ouais, à peu près. Okay. J'étais en gros sevrage. Okay, okay, là. Oh, okay, au début, okay. Je shakais. Montre-moi ta main. Ben, chapeau, ouais, sincèrement. Non, merci. Parce que. Casquette? 5 semaines de casquette? Casque de chevalier? Oui, casque de chevalier. OK. Autre. Donc, dans le fond, individuellement, on est dans cet âge d'Internet-là, on est tous plus narcissiques, on est tous plus égocentriques, ouais. Centrés sur nous, on est tous plus, on le disait tantôt, au déficit d'attention, on est plus concentrés sur ce qu'on fait. Donc. Les gens en ce moment conduisent leur voiture là, oui. Pendant qu'ils t'écoutent. Tu sais, on fait plusieurs choses en même temps. Ben, oui, vu de même. Soyons pas trop drôles, non plus. Là. Ils pourraient conduire leur voiture en nous écoutant, en textant, en faisant un problème autre chose, buvant leur café. En faisant d'autres choses. Ben oui, ça allait à la louche. Sur l'autoroute, c'est une ligne droite, tu peux t'en permettre. Non, essaye donc. Tu cruises comme ça. Conduis avec tes pieds. Les genoux. Eh, pourquoi pas. Donc, le constat. Oui. Le constat, c'est que malheureusement, ben, il y a quelque chose qui marche plus. Il y a un déséquilibre, manifestement. Comment régler ce déséquilibre-là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, j'ai lu récemment un papier très intéressant dans le Hot Side Magazine qui disait, ou plutôt qui proposait une solution à cela. Et c'est une solution que les Nippons, les Japonais, ont déjà adoptée. Et c'est surprenant ce qu'ils ont fait de tout simplement une thérapie par la nature. Régler tout ce qui est notre hyper-modernité, le fait qu'on soit trop connecté, le fait qu'on soit trop sédentaire, c'est tout ça qui vient avec, par tout simplement la nature, par le fait de d'être dans la nature. Pas le naturisme à se mettre tout nu. Non, ben, ça peut être ça. En étant dans la nature, si ça peut emmener vers ça, pourquoi Stéphanie, pas? Stéphanie, tout à coup, les oreilles. Mais l'important, c'est de profiter de la nature. Et profiter voilà, comme et tu et veux. Voilà, et voilà. Les Nippons, ils appellent ça le Shirin-yoku. Shirin-yoku étant le nom pour bain de nature, qui est une médecine préventive. Il faut comprendre qu'au Japon, ils ont, le gouvernement finance depuis 2004, si je ne me trompe pas, des tonnes d'études qui disent justement qu'ils viennent racheter de la viande autour de l'os sur le fait que quand nous sommes dans la nature, il se passe une tonne de phénomènes plus ou moins inconscients, mais qui sont bel et bien là, qui fait que on va être plus relaxé, on va être plus attentif, on va justement un peu combattre tous ces symptômes-là de notre hypermodernité du fait qu'on soit juste trop. Donc, pourquoi les Nippons? Pourquoi les Japonais? Ben, c'est, en fait, c'est une réponse culturelle. Il faut savoir que les Japonais, eux, c'est la tradition, tout ce qui est les samouraïs, le Bushido, l'art de vivre qui est un peu fondé sur le taoïsme et le bouddhisme, qui est justement centré sur la nature, sur la pleine conscience, un peu la méditation. Il faut savoir que dans les cultures orientales, la nature, comparément aux cultures occidentales, ils font partie de la nature, ça fait partie d'eux. Donc, c'est quelque chose qui est profondément imbriqué dans eux. Mais même là, au Japon, même si c'est un peu profondément imbriqué dans eux, il faut comprendre que c'est un des pays qui est plus occidental à quelque part aussi. On a tous déjà entendu les Japonais un peu addicts du travail, qui travaillent des heures et des heures et des heures. Ils ont même un petit terme pour ça, je le trouvais ici. Ils ont même un problème qui appelle le karoshi, qui est pour la mort par le trop de travail, dans le fond. Okay, pour avoir trop travaillé. Donc, ce sont des travailleurs acharnés. Ils sont également dans une culture où c'est très, très centré sur la performance, comme un peu comme ici, sauf que puissance 10, je dirais. Il faut réussir. C'est l'honneur de la famille au complet qui est dans les études. C'est très, très valorisé. C'est un climat très pesant. On peut s'imaginer que ça fait du monde qui sont très, très déséquilibrés, en bout de ligne. Donc, quand on parlait de notre hypermodernité au tout début de la chronique, on peut s'imaginer que c'est du monde qui sont comme ça, mais peut-être encore pire que nous, ce qui, moi, j'ai de la misère à imaginer. Mais bon. Donc, c'est un peu le rationnel de leur thérapie dans la nature. C'est tout simplement que, dans le fond, quand on y pense, on a toujours évolué dans la nature. On a toujours été dans la nature. C'est très récent dans l'histoire humaine où on est tout le temps déconnecté de celle-ci. Où on est tout le temps assis, on est devant les écrans et tout. Tous ces phénomènes-là, c'est très récent dans l'histoire humaine. Et nous ne serions pas faits pour ça. Ouais. Donc, ils partent un peu de ce rationnel-là, de ce postulat-là, si on veut. Donc, eux, ce qu'ils soutiennent et ce qu'ils ont trouvé, c'est que lorsqu'on évolue dans un environnement, justement, de nature, que ce soit dans la forêt, que ce soit dans un parc naturel, une randonnée, peu importe, il va se passer une cascade d'éléments physiologiques et psychologiques qui sont très peu perceptibles, mais qu'à l'aide de techniques compliquées, que ce soit en branchant le cerveau et en regardant ce qui se passe dans le cerveau, que ce soit en monitorant tout ce qui est les fréquences cardiaques, tout ce qui est la pression artérielle, en leur faisant faire des tests cognitifs, des tests d'attention et tout, ils se sont rendus compte que quand quelque chose d'aussi simple qu'on prenait du monde qui sont tout le temps habitués d'être dans un contexte de ville, on les relâche 15 minutes dans la nature, on leur demande juste de se promener, de contempler la nature, d'être dans la nature sans nécessairement faire quelque chose là, juste être pleinement présent, ben on se rendait compte que toutes ces réponses-là avec tout ce qui est fréquence cardiaque et ce qui est la tension artérielle changeaient. Tout au tout, il y avait vraiment une grande différence. On passait de noir à blanc. C'était aussi frappant que ça. Donc, c'est quelque chose d'un peu surprenant à première vue. C'est parce que c'est vraiment pas imbriqué dans notre mental, surtout ici dans notre imaginaire collectif, que juste être dans la nature peut apporter quelque chose de plus, peut nous guérir de nos petits plis du quotidien. Donc, les preuves d'efficacité, un peu les bénéfices derrière ça. Donc, c'est ce qu'il y a dans le fond, c'est que, comme je vous l'ai dit, la disparition progressive de la nature aurait plusieurs impacts sur nous, sur, comme je l'ai dit tantôt, l'obésité, le déficit d'attention, l'oppression et vice-versa. Sauf que, comme je vous l'ai dit également, il y a une simple balade peut tout simplement changer du tout au tout. Puis, c'est ce qui est drôle quand on lit ces études-là, c'est que les protocoles qu'ils utilisent pour faire ça, c'est des affaires complètement bizarres dans un sens que c'est tout le temps très très simple, c'est tout le temps des groupes de personnes qui relâchent en nature ou des groupes de personnes qui font sentir des parfums de plantes, de nature, d'affaires comme ça, et ils se rendent compte qu'il y a des grandes différences, que ça passe du tout au tout, ce qui est tout le temps très surprenant à lire quand on s'attarde à ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, c'est que c'est un programme qui est vraiment ambitieux puis qui est financé par le gouvernement. Là-bas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont au Japon, ils n'ont pas beaucoup d'espace à la base. C'est très concentré en ville. C'est très, très surpeuplé. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des espaces naturels, des parcs, et ils aménagent ça vraiment pour ce qu'ils appellent, eux, le shirinyuku, dans le fond, la thérapie, un bain de nature, dans le fond. Et puis, ce qui est drôle dans le papier que j'ai lu, c'est qu'il y a des rangers, des gardes forestiers qui sont là avec des appareils de pression artérielle et qui courent après le monde pour justement prendre les pressions artérielles pour voir les différences. Oh, mais littéralement, ils courent après. Moi, ça me stresserait de montrer ma pression, non? Ben, imagine-toi se prendre dans la nature, puis il y a un petit pas poste de garde forestier, puis il y a un garde forestier qui est là, puis il t'attend pour prendre ta pression artérielle. Bizarre. C'est vraiment bizarre, mais justement, avec le financement est venu, puis avec le financement qui est venu... Les gens le savent. Ouais, voilà, et voilà. Okay. Donc, ils collectent beaucoup de données, et puis c'est un fait. La personne qui a écrit ce papier-là que j'ai lu, c'est une Américaine, donc elle était complètement pas dans cette... Elle était pas au courant de ça, donc quand elle est arrivée là, elle était très surprise. Et ce qui était très coquet, c'est que dans le fond, elle se rendait compte que justement le monde était en même temps très stressé, mais en même temps très zen. C'était comme un peu des très très contrastés. Son bipolaire. Ouais, voilà. Dans un sens. Donc, ce problème-là, dans le fond, ça m'a fait penser à une lecture que j'avais faite il y a quelques années. Peut-être que vous en avez entendu parler. L'éditorialiste de la presse, François Cardinal, avait publié un livre qui s'appelait Perdu sans la nature, plutôt. Puis, c'était un constat de l'absence de nature chez les jeunes. Dans leur développement. Et dans ce livre-là, il explorait tout le phénomène du manque de nature chez les jeunes, donc sur leur développement, son rationnel, en fond, c'était simplement de dire que pour se développer, les jeunes avaient besoin de la nature pour pouvoir faire du jeu libre, pour pouvoir s'évader, pour pouvoir acquérir une certaine forme de liberté, et que aujourd'hui, malheureusement, dans notre société justement hyper moderne, dans notre société où les parents veulent tout contrôler, où tout est planifié au quart de tour, où les enfants sont inscrits à 15 000 millions d'activités, ils n'ont jamais le temps de respirer, c'était quelque chose qui leur manquait, qui leur faisait plus de tort que de bien. Ouais, c'est les enfants, ils vont pas aller chercher de la nature, ils mangent même pas de chips nature. Et voilà. Oh boy. Ça veut tout dire. Donc, dans le fond, moi, la seule question que je m'étais posée, est-ce que cette absence de nature-là chez le jeune qui se manifeste et qui est très criante chez les jeunes ne serait pas la même chose pour l'adulte, dans le fond? Est-ce que nous ne devrions pas, pendant justement les vacances de Noël qui arrivent, sortir dehors et tout simplement profiter, aller en Gaspésie. Pourquoi pas? C'est fait pour ça, dans le fond. Surtout qu'on sait, avec les fameux changements climatiques, avec ce constat-là, dans le fond, que justement, peut-être qu'un jour on n'aura plus d'hiver, peut-être qu'un jour on ne pourra plus sortir dehors, on ne pourra plus profiter de notre nature parce que notre nature va être trop démolie, on va l'avoir démolie. Ah, c'est donc bien défaitiste, c'est triste. Ce qui est un peu paradoxal, dans le fond, parce que c'est ce qui nous fait le plus de bien, c'est ce qui nous fait beaucoup de bien, mais en même temps, peut-être qu'un jour on ne pourra plus profiter parce qu'on va en avoir justement trop. On va l'avoir trop négligé, on va l'avoir trop ignoré. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a présentement. Et voilà. Et voilà, dans un sens, c'est bien vrai. Profitons-en, nous qui avons entendu cette chronique de Maxime Bilodeau. Oui, moi je lance le message à tous et chacun pendant les vacances de Noël. Déconnectez un peu, puis allez juste vous promener dehors, ça va vous faire le plus grand bien, je pense. Le plus grand bien. Surtout à cette fin de session, j'aimerais faire un petit lien avec ça. Tout le monde est en fin de session en ce moment, tout le monde étudie. Ceux qui sont dans les programmes supérieurs sont peut-être en train de finir des présentations de soutenance de thèse. Je sais pas de quoi je parle. C'est vrai, dans le fond, c'est toutes ces présentations-là, tout ce qui est ces présentations de maîtrise, etc. Donc, en ce moment, tout le monde est à bout, tout le monde est complètement juste là-dedans, à essayer de finir dans le temps. Donc, profitez-en pendant les vacances de Noël juste pour vous faire du bien, sortir un peu. Mais c'est ça, pendant les fins de session, on va s'évader sur Facebook. C'est peut-être pas la meilleure solution. Mais on fait tous ça. On est sur Facebook et on chiale. Je finis mon travail, je suis plus capable. Puis à la place, ça serait peut-être mieux de travailler sans Internet puis aller prendre une marche de temps en temps. Effectivement. Ça ferait plus de bien, je pense. Quand on parle de notre hypermodernité, Internet, malheureusement, c'est vraiment quelque chose qui est très drôle. C'est que dès qu'il y a un ordinateur avec Internet, c'est quasiment un ordinateur sur lequel tu ne seras pas productif. Ben non. Sans blague, moi, j'utilise chez nous pour justement avancer dans tout ce qui est ma fin de session et tout. Un programme qui me bloque Internet de façon périodique. Mais t'as aucun contrôle de toi-même si tu sors de ça, non? aucun contrôle de ton mental. J'ai aucun contrôle. Bon, je l'avoue, j'ai aucun contrôle de mon mental. Sauf que tout le monde est de même, là. Veut, veut pas. Quand notre téléphone, on a notre téléphone intelligent, on a notre ordi et tout, on est tellement connecté. C'est là qu'on est plus productif pendant tout. Mais c'est pour ça, moi, j'aimais mieux aller étudier Morgane parce qu'il fallait que tu payes pour ton Internet. Là, j'étais comme un peu trop chiche. Tu veux rentabiliser ton utilisation. Fait que je préférais aller au Morgane que, ou par exemple, au Torréfacteur où l'Internet est gratuit. C'est comme, mais non, j'irai pas là. C'est trop beau. Tant qu'à ça, je vais rester chez nous. Mais Morgane, ça m'empêchait d'aller sur Internet. Hey, c'est beau. Est-ce qu'il achète de la pub ici? Maintenant, oui, parce qu'on a parlé d'eux autres. Ah, un beau cadeau Noël. Merci, Maxime Bilodeau. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on se retrouve en janvier ou la semaine prochaine? Est-ce que tu es là la semaine prochaine? La semaine prochaine, je ne pense pas être là, malheureusement. Quand je vais parler de ma fin de session, elle est particulièrement dure. Donc, en janvier? Oui, en janvier, sans faute. Donc, je vais te souhaiter un joyeux temps des fêtes. Merveilleux. Et pas trop de Facebook. Oh, pas trop de Facebook. On va essayer. Facebook, Twitter, Instagram, Shredder. Merci, Maxime. What's up? Nous, on va aller écouter les trois accords. Tu sais quoi? D'habitude, on aurait écouté Exercice. Je sais que j'ai mis plusieurs fois après ta chronique parce que, tu sais, on parle d'exercice, ça a bien du sens. Pourquoi mais pas? Comme tu as parlé des Japonais qui couraient après les autres dans les parcs, voici Je me touche dans le parc des trois accords. Pas pire, hein? Très bon lien. Très bon lien. Je me touche dans le Chanson pop des trois... pas des trois accords, la descente du coude, Colin. Tiens-toi. Oh. Ah, raté. T'as tout gâché à la fin. Fort. La descente du coude, oui, à Assemblage requis. C'est là-dessus qu'on va terminer l'émission. On sait pas qui va co-animer l'émission demain, malheureusement, encore. Peut-être Stéphanie, peut-être François-Olivier, on sait pas. Peut-être Pierre-Jean-Jean. Quelqu'un d'autre. C'est ça. Donc, vous verrez demain, mais si jamais c'était la dernière fois à quoi animer, merci de l'avoir fait. Ben écoute, ça m'a fait plaisir. Un vrai charme d'être ici. C'était plaisant, particulièrement plaisant. C'est ça. On va remercier aussi ceux qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire juste Maxime Biodo. Pas mal tout. Oui. Pas mal ça, les deux autres, t'as pas. Demain, émission Maxime Bétuier, sa chronique ciné et télé. C'est tout. On parle graduellement des gens. On va être c'est notre avant-dernière semaine avant les fêtes, donc c'est compréhensible quand même. Restez sur nos ondes à partir de 11h. Ce sera Dîner de cons avec Danny Janvier. Ensuite, ben le reste, il y a sûrement des reprises là-dedans. Du Voyage insolite, album classique, des trucs comme ça. Le Big Mac Show, sûrement à 17h avec du rap. Ensuite, à 19h, c'est électro-tactile, ça c'est certain, avec de l'électronique. Et puis à 21h, du trance avec PCTR et Transformer. Je sais que c'est la dernière semaine de la programmation régulière de C'est fou pour les animateurs qui ne sont pas des quotidiennes, là, finalement. Je m'imagine que ça va arrêter si c'est pas déjà fait. Donc, ce que je dis est très à déterminer. Très à déterminer. Ouais. On perd des combattants là en cours de chemin. Ouais, c'est ça. Ben, c'est... comme ça. On va se quitter avec la chronique de Rich Solry. Évidemment, c'est Sadako. Ça a lieu tous les mercredis matin à 7h-ci dans notre émission. Donc, écoutons la chronique numéro 11 et c'est, si je ne me trompe pas, encore une fois, la dernière de la série. Donc, allons-y et puis bonne journée, Stéphanie. Bonne journée, Mathieu. Salut les requins.